Chers auditeurs, chères auditrices, Vincent, micro de RFM, bonjour et bienvenue dans cette émission inaugurale, une émission très spéciale puisque c'est la première émission en direct sur RFM et qu'elle lancera la radio d'égalité et réconciliation en continu. Bon, chers auditeurs, nous avons subi une attaque massive. Nous nous sommes donc déportés sur Facebook. Suivez donc, chers auditeurs, le Facebook Live de la page Facebook d'égalité et réconciliation. N'hésitez pas à partager ce Facebook Live, très important. Et à réagir en commentaire. Je lirai certains de vos commentaires tout au long de cette émission. Mes chers auditeurs, ce soir est un grand soir également car c'est le soir du premier tour des élections présidentielles françaises 2017 que nous commenterons ensemble avec de nombreux invités qui défileront au micro de RFM, Pierre Jovanovic, Serge Ayoub, Stéphane Blais, Youssef Hindi, Dieudo peut-être et d'autres invités surprises. Et pour animer cette émission, chers auditeurs, sachez que je me trouve aux côtés de Xavier de la rédaction de Fais des documents. Xavier, bonjour à toi. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Xavier, es-tu prêt pour ces 4 heures de live ? On va essayer. C'est maintenant qu'on saura si ces 76 numéros de l'heure la plus sombre nous auront été utiles si on a pris de la bouteille. À nos côtés également, chers auditeurs, pour cette émission, je me trouve avec Félix Nitsch. Bonjour Vincent, bonjour Xavier, bonjour les auditeurs. Félix, comment allez-vous ? Ça irait mieux si je ne voyais pas ce sourire de Rutel Krief qui me fait mal au cœur. En général, c'est mauvais signe. En général, c'est très mauvais signe. Oui, chers auditeurs, car il faut savoir que nous avons BFM TV devant nous. Et d'ailleurs, nous vous recommandons également d'allumer BFM TV, comme ça nos commentaires auront plus de cohérence par rapport à ce que vous verrez à la télévision. Alors Félix Nitsch, comment se présentent ces élections ? Est-ce que vous-même, d'ailleurs, vous avez voté ? Oui, je suis allé voter pour la haine. Du coup, je suis un peu plus calme. Hein, c'est... Ayant évacué un petit peu de haine dans un vote. Non, mais sérieusement, je croyais comme à la montée de Jean-Luc Mélenchon. Hein, et j'hésitais entre un pronostic Marine Mélenchon, Marine Macron. Donc je mettais toujours, comme tout le monde, un peu Marine en premier. Et il semblerait, il y a des vagues échos qui semblent mettre M. Macron en premier. Macron en tête devant Marine Le Pen. Devant Marine Le Pen. De toute façon, même si c'est Marine Macron, Macron-Marine, on s'en fiche, puisque le pire, c'est Macron. Et à mon avis, Marine pourrait... Enfin, un duel Marine-Macron, c'est la porte ouverte à une élection de Macron. Encore que, face à Macron, c'est là où la Marine a le plus de chance. Voilà, c'est tout le paradoxe de cette situation. Voilà. C'est le pire pour la France, mais peut-être le mieux pour Marine. Le mieux pour nous, c'est-à-dire pour Marine, pour la France donc, parce qu'effectivement, Macron, c'est, ça sera dur de faire voter l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, qui s'est mobilisé parce que Jean-Luc Mélenchon a eu l'intelligence de reprendre la révolte contre la loi El Khomri, ce qui fait des millions de gens qui sont restés... sur cette motion de révolte, hein, parce que ça a été une immense défaite sociale, pour parler comme Eric Verberg, là, du MEDEF, qui est un très bon analyste. Et Jean-Luc Mélenchon ayant repris ça, ça va être dur de dire à ses travailleurs, hein, comme le veut le Parti communiste, comme il a déjà annoncé, il faut voter pour Macron pour faire barrage à la haine et au fascisme, face à un type qui promet qui dit que la loi El Khomri, c'est qu'un début, qu'il va falloir aller plus loin. Hein, qui veut aller plus loin que le pacte des responsabilités, que la loi El Khomri, donc qui a un programme social qui est le plus extrême du capital financier. Ça va être dur. Donc vous nous dites que l'électorat de Jean-Luc Mélenchon pourrait même éventuellement se reporter sur un vote Marine. Oui, en tout cas, c'est plus logique. Parce que je ne pense pas que les millions qui ont voté pour Mélenchon, si Mélenchon fait beaucoup de voix, se reporteront automatiquement vers le trader, le golden boy, le pire candidat que la France ait jamais porté, puisque s'il était élu, nous regretterions peut-être les années Hollande, oui, c'est quasiment ce que je pense. Quant à l'électorat de Fillon, dans un cas de Macron-Marine, l'électorat de Fillon votera très probablement plutôt Marine. Bah ça, c'est pas certain. Je peux donner comme un exemple ce que j'ai entendu sur Radio Courtoisie. Monsieur Henri de Lesquin, un auditeur l'ayant interpellé sur sa rage anti-mariniste en disant « Oui, mes chers auditeurs, c'est un programme bolchevique », il a répondu qu'en cas de duel Macron-Marine, il appellerait bien sûr à voter Front National. Et son bras droit, je sais plus son nom, enfin un monsieur qui organise une émission qui s'appelle « Le Grand Large », qui est vraiment la droite versaillaise du portefeuille, a dit que non, Macron est un excellent programme, bien plus libéral, d'un point de vue strictement libéral. Donc je pense qu'il y a une fraction très très notable de la bourgeoisie française qui va voter Macron. D'accord. Et où en est l'abstention actuellement? Est-ce qu'on a des données sur l'abstention, Xavier? Ils disent 20. 20%. Bah là, on nous dit 20. Alors, c'est déjà une surprise parce qu'on nous disait que l'abstention serait supérieure. À mon avis, la soirée va être surprenante. Alors, la question est de savoir si cette soirée s'inscrit dans le jeu de domino qui avait commencé avec le Brexit, l'élection de Donald Trump, la surprise de la primaire républicaine avec l'élimination de Juppé, de Sarkozy, la surprise de la primaire socialiste avec l'élimination de Valls, de la primaire écolo avec l'élimination de Cécile Duflot. Donc une série d'éliminations comme ça et de surprises. Alors est-ce que cette soirée va s'inscrire dans la continuité ou cette soirée marque un coup d'arrêt? Ah, Krief fait un peu la gueule. Je sais pas. Ouais, Krief sera notre baromètre de cette élection. Non, je plaisante un peu, mais c'est vrai que c'est pas si faux. Hein. Parce que la surprise, comme dit Xavier, ça serait Mélenchon-Marine. Hein. Ah, Mélenchon-Marine, ce serait une affiche très intéressante. Ah oui, très intéressante. Et puis ça, c'est pas une catastrophe. Ce serait la victoire du populisme. Ça serait Mélenchon, c'est moins c'est une catastrophe, bien sûr. C'est un sénateur socialiste. Bon, mais en même temps, il a quand même un programme qu'il va être obligé de trahir. Donc ça peut être amusant. Hein. Il va être obligé de pas abolir la loi travail, de pas faire ce qu'il a dit. Donc ça ouvrerait Mélenchon sur une situation un petit peu agitée, dans laquelle ça ne serait pas la catastrophe de Macron. Hein. Et d'ailleurs, dans le cas d'une affiche Mélenchon-Marine, Marine aurait des chances d'être élue. Moins qu'avec Macron, mais elle aurait des chances. Non, je pense que là, Mélenchon va la battre. Non, mais cela dit, on n'est pas encore dans les hypothèses. Il faut voir ce qui s'est passé. Non, mais il faut déjà revenir sur la campagne, voir ce qui s'est passé. Il y a eu un moment donné, février, notamment mois de janvier, mois de février, où Marine Le Pen a enregistré une montée, avec une espèce de panique. On a vu dans les journaux le caractère inéluctable de sa présence au second tour, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, il me semble que c'était fin février ou début mars, une réunion a eu lieu à l'Élysée avec tous les spécialistes possibles et imaginables de l'antiracisme, du style Nona Meyer, tous les gens un peu liés à la DILCRA. Et il est sorti de cette réunion qu'il fallait arrêter de dire que Marine Le Pen montait, et que c'était ça qui la faisait monter, et que ce sentiment de panique ne devait pas se voir à ce point-là. Et à ce moment-là, on a bien vu, courant mars et courant avril, un nouveau discours qui était l'érosion du vote Front National. Une érosion du vote Front National, avec l'entrée dans la campagne des petits candidats qui allaient tous sur le programme de Marine Le Pen, que ce soit Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau, y compris Jacques Cheminade, ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, est-ce que cette stratégie a marché, où est-ce qu'elle a échoué? Après, on a des sondages qui, pendant toute la campagne, ont été constants, avec des scores pour Emmanuel Macron qui semblent pour le moins étonnants. C'est vrai, mais bon. Comme un phénomène qui a pris. Alors après, quelle est la part des gens? Qui a voté? Qui s'est déplacé? Il ne faut pas oublier que le droit de vote des dames, Macron est jeune, mignon, fringant. J'ai entendu pas mal de choses. J'ai une amie qui est professeure dans un collège pourtant religieux, qui me dit: parents d'élèves, enseignants et élèves, tout le monde vote Macron, hein, là-dedans. Les parents, parce qu'il est propre sur lui, il est bien, puis il y en a marre de cette politique, il va nous changer les choses. Les filles, parce qu'il est mignon, et les profs, parce que c'est des cons. Voilà, pardon, excusez-moi. Oui, bah écoutez, moi je m'étais rendu justement ce lundi au dernier meeting d'Emmanuel Macron à Paris, à Bercy. Une foule incroyable, comme pour un match de foot, une densité vraiment importante de gens, et une densité de gens absolument... Le reportage est disponible sur le site d'Égalité et Réconciliation, on l'a sorti cet après-midi. Donc effectivement, disons qu'en fait, c'est un électorat, je dirais, qui ne sait pas pourquoi il vote Macron. Je sais pas. Moi, mon côté pessimiste fait que je pense que la France a aussi changé. Moi, à part les deux classes fondamentales que j'estime encore, la classe ouvrière qui a quand même gardé des traditions, je suis sûr qu'elle peut pas voter Macron. C'est pas possible parce qu'elle lit un programme. Mmh. Elle s'est battue pour la loi El Khomri. L'autre bord, c'est la bonne bourgeoisie, qui a quand même une certaine santé. Elle s'est levée contre la GPA-PMA, etc. On connaît l'histoire. Donc, hormis ces deux classes, quand même un immense marais dans cette France putréfiée, franchement, qui me dégoûte un degré presque existentiel. Et je pense que tout ce ramassis va voter Macron. Personnellement, sur mon blog, j'ai mis victoire de Macron. Cela dit, il y a quand même un problème avec ces estimations, c'est qu'on nous dit, grosso modo, que François Fillon serait à 20 et qu'Emmanuel Macron serait à 23, ce qui fait à peu près 43% pour deux candidats pro-Europe, pro-réforme, qui correspondent finalement à l'élite et puis la classe moyenne. Or, ce qui était possible à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing ne l'est plus aujourd'hui, puisque la classe moyenne a fondu comme une neige au soleil. Et pour moi, 43% sur Fillon plus Macron, ça me paraît absolument énorme. Alors, est-ce que la propagande a marché? Alors, on nous dit aussi qu'Internet joue un rôle. Est-ce que nous-mêmes surestimons le rôle d'Internet? Est-ce que le matraquage BFM fonctionne? On ne sait pas. Alors pour l'instant, je vous dis, la seule estimation qu'on a, c'est la mine réjouie de Anna Cabana, de Rutel-Krieff et de Bernard Sananès. Très mauvais signe. Parce qu'ils savent, eux, ils savent. Et généralement, ils tirent la gueule à cette heure-ci. Là. Alors Félix, je voulais vous faire réagir également sur quelque chose qu'on a vu sur Facebook, qui a tourné, qui a circulé. Ce sont les clips de campagne de Poutou. Est-ce que vous les avez vus? Oui, je regrette de ne pas être à la Ligue encore en cette période, parce que c'est formidable. Vous en avez vu? Il y en a deux qui ont particulièrement été... Contre le raciste, là, qui se retrouve en slip crasseux, d'ailleurs. Mm-hmm. Pauvre personne, quoi. On a pitié d'eux, là. Si c'était quand même pas des chiens couchants, parce que ça serait juste des comiques si ce personnage ne prenait pas parti pour l'impérialisme américain dès qu'il s'agit de martyriser le peuple syrien, qui reproduit la doxa dominante d'une manière tellement homogène qu'on ne les reconnaît plus. D'ailleurs, entre parenthèses, pour ces révolutionnaires, là, ils devraient savoir que Air Liquide, Total, toutes les multinationales françaises, dont il est rare d'ailleurs qu'elles produisent des communiqués communs, dans l'Usine Nouvelle, dans Les Échos, dans Le Monde, avaient publié un appel aux migrants, comme lui, vous voyez ? Comme lui, il pourrait se poser des questions, quand même, d'avoir le même avis que le grand capital sur l'immigration, et le même envie de bombardement d'un régime... De la Syrie. Et d'un régime parfaitement authentique, hein, je veux dire, au profit de barbus, d'assassins, de truands. C'est quand même pénible. Ce personnage est juste grotesque, mais en même temps, et ce sont des nuisibles, tout de même. Mais d'ailleurs, où en sont les estimations de ces petits électeurs comme Poutou ou Artaud? Est-ce qu'on a des chiffres pour l'instant? La poussière, ça compte pas. C'est des poussières. Xavier? Non, ce qui est étonnant, c'est que là, bon, j'imagine, comme tous les auditeurs, on reçoit des tas de textos sur nos téléphones avec des estimations, ministère de l'Intérieur, sondages belges, je sais pas quoi. Bon, tout le monde reçoit des tas de textos qui, pour l'instant, j'imagine, les auditeurs reçoivent les mêmes, donnent grosso modo Emmanuel Macron, Marine Le Pen, voire Marine Le Pen au coude à coude avec Mélenchon, et puis Fillon qui serait décroché. Or, moi, je n'arrive pas à croire que les gens aient voté comme on leur avait dit de voter. Moi, je pense qu'on est dans une séquence historique qui a commencé avec le Brexit et que tout échappe. Alors après, on sait qu'il y a eu cette histoire de 500 000 cartes d'électeurs envoyées en double. On sait qu'il y a de la triche massive dans les campagnes, notamment dans les petits bureaux de vote. Voilà, qui sont aussi les assesseurs. Il suffit de voir la tête des assesseurs, c'est quelque part entre le Soviet suprême, la rédaction de Goliath et le véné de la loge locale. C'est tous des militants de gauche. D'ailleurs, à ce sujet, on pourra prévenir nos auditeurs que pour le second tour, si Marine est au second tour, d'aller dans les bureaux de vote pour observer justement les élections. On a le droit d'être assesseur. On a le droit d'être assesseur, bien sûr. N'importe qui a le droit d'être assesseur, et c'est d'ailleurs extrêmement important, et surtout dans les petits bureaux de vote. Alors, normalement, les militants du Front National devraient le savoir, je pense. Alors, autre élément, beaucoup de forces de police ont été dépêchées à Paris. Donc, est-ce que des événements vont survenir également ce soir en marge des résultats? Il est sûr que pour les mondialistes, la France est la place la plus importante à garder en raison de son siège au Conseil de sécurité de l'ONU en particulier, qu'il ne faut absolument pas que la France passe dans des mains populistes. Et que les gens qui nous gouvernent, les mondialistes, seront prêts à tout. Je pense qu'il faut s'attendre à tout aussi, pour garder le pouvoir. Ouais, en France. Voilà. La France est un enjeu capital. Bien sûr, et ce qu'il faut bien souligner, c'est que même si Marine Le Pen parvenez à prendre le pouvoir en France. Ce ne serait que le début. Ce ne serait que le début. Ce n'est que la première marche. Oui. Comme derrière, il y a les législatives, et je peux te dire que tout le monde, c'est aussi à ça que ça sert Macron. Ça sert à réunir tout le monde en vue des législatives, de façon à avoir qu'un seul candidat face au candidat Front National, ouais, et à sauver un maximum les meubles. Hein. Quand on voit Estrosi, quand on voit Valls qui s'agite, Sarkozy qui rêve de revenir, on voit déjà que tout ce gouvernement d'Union Nationale, c'est-à-dire avec une, pourquoi pas une Marine Le Pen à l'Élysée, mais dans l'impossibilité de gouverner n'ayant pas la majorité à l'Assemblée, et puis un gouvernement d'union nationale avec un Premier ministre, et finalement, ce dont on a déjà parlé à cette antenne, un retour à la 4ème République, à une République des partis. Et même au-delà des solutions institutionnelles, ils ont bien d'autres cordes à leur arc. Ils ont également la solution de blocus économique, oui, bien sûr, d'attaque financière sur la monnaie française, puisque Marine Le Pen veut un retour au franc. Oui, mais les milieux économiques attendent les législatives. Hein. Les milieux économiques ne sont pas du tout focalisés sur l'élection présidentielle. Et bien sûr, après, les solutions un peu plus extrêmes, comme le renversement, le coup d'État, l'assassinat. Oui, ou le bordel permanent. Si ça ne marche pas, la guerre, pure et simple. Oui, mais enfin, la guerre civile, de toute façon, ils nous ont fait une petite démonstration avec le faux sodomisé, enfin, le vrai sodomisé, mais faussement sodomisé par les flics. Comment ça s'appelle? Ah oui, Théo. La théogonie, les théogonies sodomites. Ça a été une petite répétition générale, hein, des bandes immigrées. Les antifas montrent ce dont ils sont capables aussi. Donc, il est évident qu'une élection de Marine Le Pen, c'est. Les plus grands combats seraient devant nous. Hein. Là, il faudra. Comprendre que tout serait à faire. Alors, quelle tête fait Rutel Kreev sur BFM TV? Elle ne fait pas la gueule. Hein. C'est triste à dire, mais franchement, ça, c'est un indicateur de fond. Hein. Et plus profondément, si Macron en venait à être élu, est-ce que ça ne pose pas une question sur notre engagement politique, en soi? Bah, c'est-à-dire que là, nous, on va manger. Franchement, Macron, entre autres joyeuseté, ça sera le retour de Valls, quelque part, du valsisme. Et même Valls va s'infiltrer dans un gouvernement Macron. Macron, on est dans l'œil du cyclone. Hein. Là, 50 plus, avec ce trader, ce golden boy, qui sera juste une marionnette au service de la banque Rothschild et des autres, et de la banque tout court. Hein. C'est vilain temps pour les vrais dissidents. Hein. Très, très, très mauvais temps. Il faut le reconnaître. Pour nous, ça serait assez difficile. Ça va ouvrir sur une période assez difficile. Je voudrais dire quand même aux travailleurs qui nous écoutent que, enfin, je ne veux pas commencer à faire une campagne anti-Macron, mais je pense qu'à ce moment-là, nous aurons une tâche, c'est de montrer aux classes salariées que ce sont les Chicago Boys, hein, des sortes de Macron dans les années 70 qui ont financé Pinochet. Parce que un Macron, c'est la dictature du capital financier. Hein. Ça pourra plus être la démocratie. Ce type, il est même pas politisé. Il sait même pas qu'il y a une culture française. Il sait rien. Il sait faire du fric. C'est vraiment une catastrophe. Hein. Et encore, s'il savait faire du fric, Trump, il sait faire du fric. Macron, oui, non, ouais, d'accord. Du fric avec le fric des autres. Quoi. Oui, je veux dire, ce sont des. Ils sont connus. Ces traders, ces golden boys. Macron, ils existent même plus. Les traders, ils ont été remplacés par des robots maintenant. Voilà. De toute Qu'est-ce façon. Qui est une île? C'est la Guyane. C'est une île. La France. Il n'y a pas de culture française. Et en même temps, quand on oppose ça à tous ces gens qui vont voter Macron, puisque moi je suis allé à leur rencontre encore une fois dans le dernier reportage de RTV qui est en ligne sur le site Égalité et Réconciliation, quand on leur dit ça, ils nous disent oui, mais il faut aller de l'avant. Il faut aller, faut progresser. Oui, oui, oui. Vous voyez, vous comprenez, en fait, ils ont cette vision selon laquelle sortir de l'euro, c'est rétrograde, sortir de l'Union Européenne, c'est rétrograde. Oui. Alors moi, justement, pour les coincer un peu, je disais, mais non, au contraire, regardez ce qui se passe aux États-Unis, regardez ce qui se passe en Russie. L'avenir, c'est le nationalisme, c'est le populisme. L'Union Européenne, c'est le retour en arrière, c'est le retour à des modèles anciens comme l'Union Soviétique. Oui, mais justement, l'idée, justement, c'est d'inverser la logique. Non mais là je peux pas te répondre parce que là tu sais très bien que je pense pas que le monde soit un déficit d'information ou de conscience. C'est des gens qui défendent leur être. Je pense qu'il y a une nouvelle humanité qui s'est quand même créée. Non mais ce qui est sûr c'est que le score de Macron, quel qu'il soit, sera l'indicateur du niveau de zombification du peuple français. C'est-à-dire qu'on saura le nombre de zombies, à peu près les gens à qui on peut faire gober tout et n'importe quoi. Parce que Macron, c'est quand même pas Chirac. Chirac avait un passé politique, un physique. Bien sûr. Il sentait la France par tous les ports de sa peau. Il mangeait comme un Français, il buvait comme un Français. Je veux dire, Macron, c'est vraiment rien, quoi. C'est vraiment rien. Alors, Félix Niche, doit-on se battre pour un peuple qui vote Macron? se battre pour un peuple, on ne peut pas inventer un peuple ex nihilo. On ne crée pas un peuple. Il y a ce qu'il y a, il faut faire avec. De toute façon, moi, je ne suis pas du tout pour la farce électorale. L'élection d'un Bonaparte au suffrage universel, c'est une farce immonde. Qu'on soit de la droite véritable ou de la vraie extrême-gauche, c'est Lénine, je crois, qui avait dit... Choisir tous les 5 ans quel membre de la classe dirigeante viendra fouler aux pieds nos aspirations, telle est l'essence du suffrage universel. Et c'est vrai, on n'a pas... La vraie démocratie, c'est la démocratie d'échelle, c'est-à-dire la démocratie communale ou un conseil d'usine, mais on n'a pas à faire voter comme ça pour des grands dirigeants. Donc ça, c'est de toute façon, c'est fondamentalement une farce. C'est-à-dire que la démocratie met systématiquement au pouvoir les riches. Pas forcément que... la démocratie, mais la démocratie parlementaire et le suffrage universel. Parce qu'il y a d'autres types de démocratie que l'on pourrait imaginer. Et que d'une certaine façon, et c'est paradoxal, la meilleure défense d'un peuple, c'est un dirigeant autoritaire qui fait front face aux puissances de l'argent. Oui, ça dépend de où se situe son autorité, mais en effet, oui, ça peut être vraiment ça. Mais alors, je pense que, par contre, la seule espérance, si encore là on anticipe un peu, peut-être avoir une excellente surprise, si Macron était élu, c'est qu'il va y avoir quand même, je pense, une lutte des classes, parce que aggraver ce qui se passe actuellement, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas, mais il y a des grèves des boueurs, il y a des grèves dans les hôpitaux, il y a des parents d'élèves qui sont en grève pour récupérer une classe de 5e. La loi Touraine, la loi NOTRe, qui est encore pire que la loi Bachelot, ce qu'on ne sait pas, c'est que si la loi Bachelot et les lois qui concernent les hôpitaux, c'était que les hôpitaux étaient étranglés par le pôle financier. Aujourd'hui, ils doivent rembourser j'ai pas là de notes sous les yeux, mais il y a, je crois que c'est en Normandie, des hôpitaux qui doivent rembourser des prêts. C'est-à-dire que l'hôpital est non seulement étranglé, on ferme des lits, il y a des tas de gens qui sont morts, des vieilles personnes qui sont mortes là pendant l'épidémie de grippe cet hiver. Bien sûr. Qui sont morts sur des brancards dans les hôpitaux. La loi El Khomri, elle s'applique. Et il y a déjà une entreprise qui a réussi à faire voter par la loi El Khomri le fait que les ouvriers travaillent 25 jours supplémentaires par an sans être payés. Je pense que l'aggravation de la lutte des classes va être quand même une réalité si ce cloporte Macron est élu. Et ce qui est absolument extraordinaire, permettez-moi Félix Niche, c'est de mesurer l'absence de mémoire politique des Français, alors ça on le sait bien sûr, hein, mais à ce point, c'est-à-dire que Macron vient du gouvernement de François Hollande. En plus. Il a démissionné combien de temps avant Très peu. Combien de temps avant les élections? Quelques mois avant les élections. Oui, ça, oui. Et quand on dit ça aux gens qui vont voter pour Macron, ils nous disent mais non, il en est sorti que justement il n'était pas d'accord avec ce que faisait le gouvernement Hollande, alors que... Il a gouverné avec eux pendant des années. Oui, c'est vrai qu'il a un look ni droite ni gauche pour les gens, c'est vrai. Mais c'est l'absence de mémoire politique qui est absolument... Oui. Ceci dit, c'est pas non plus complètement débile, parce que c'est vrai qu'on sent bien que Macron, il a été là, mais il aurait pu être chez Sarko. Lui-même, d'ailleurs, se vante de ce côté, hein, n'est-ce pas, mon cher Xavier? Lui-même s'en vante, c'est d'ailleurs un argument des électeurs pour voter pour Macron, puisqu'ils nous disent c'est bien parce qu'il fait consensus, il est ni gauche ni droite, ou et gauche et droite, donc c'est justement pour ça que je vais voter pour Macron. Xavier? Tu vas voter pour Macron? Non, je cite les gens qui vont Quel voter pour lapsus, lui. Quel lapsus révélateur. Xavier, tu me montres un message sur ton téléphone. Je n'ai pas eu le temps de lire. Non, mais c'est une source parmi tant d'autres. On me transmet, alors cette source est quand même assez fiable, on me transmet Macron qui sera autour de 25, Marine Le Pen à 23, Jean-Luc Mélenchon à 20 et François Fillon à 18. Et oui, et ça rejoint ce que tu disais, Xavier, c'est que si l'un monte entre Macron et Fillon, il y a une dialectique. Si l'un monte, l'autre doit être écrasé. Ce serait pas normal que Fillon. Non, il y a pas deux personnes sur le même segment, sur un segment sociologique qui est devenu trop faible, puisque la classe moyenne s'est complètement effondrée au cours de ces 20-30 dernières Clairement, années. Clairement, et donc là, si Fillon est en, si Macron est en haut, Fillon est descendu. Moi, je crois que ça a marché. Hein, Le Fillon Gate. Les attaques contre Fillon. Oui, les attaques d'anti-Fillon. Ouais, c'est-à-dire l'affaire des costumes, l'affaire de sa femme. Sa femme, ouais. Bien sûr. Ouais. Je sais pas, j'en sais rien. Je vois ces journalistes avec leur gueule réjouie, là. C'est vraiment un très, très mauvais indicateur. Hein. Xavier, qui vient de quitter le studio, va revenir, peut-être. Et nous accueillons, chers auditeurs, Stéphane Blé, qui va s'installer au micro de RFM. Stéphane, je vous en prie. Oui. Bonjour. Alors, bonjour. Stéphane, est-ce que vous avez eu la nouvelle ? La nouvelle, oui, enfin j'ai eu des nouvelles, apparemment Macron est devant à 25, Marine un peu en dessous, quelque chose de ce genre. Selon les premières estimations, ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Bon, ce que ça m'inspire, bah, beaucoup de tristesse quand même, et puis c'est-à-dire, je comprends pas, enfin, c'est l'incompréhension, mais en même temps, on va essayer de rester positif, il y a 15 jours pour convaincre, mais j'avoue que je comprends pas ce choix, ça montre quand même les limites de jusqu'où on peut éveiller les gens, quand on sait qui soutient Macron. Bon, ça se suffit à soi-même, donc je suis quand même très surpris. Oui. On s'attendait à un Marine Macron, mais pas un Macron Marine, d'une certaine façon. Moi, je m'attendais pas du tout à Macron. Je pense, enfin, j'espérais Marine Mélenchon pour des raisons tactiques. Voilà, et je pensais qu'il était possible qu'il y ait, comme le disait Alain d'ailleurs, Marine Fillon. Mais j'avoue que Macron devant et Marine en second, c'est quand même assez désespérant sur l'éveil. Français. Bah, cela dit, il y a une surparticipation que je trouve extrêmement suspect, moi. Tu penses qu'il y a un bourrage des urnes ? Non, pas forcément un bourrage des urnes, mais par exemple, on a des témoignages dans le 18e, dans des quartiers à forte présence africaine, avec des gens récemment arrivés, qui étaient tous au bureau de vote, alors que c'est des gens qui ne sont pas immédiatement concernés par l'élection présidentielle. Non, il n'y a pas que ça. Une chose que je peux vous dire, enfin, de source sûre, maintenant, on ne sait pas d'où ça vient, donc il faut être prudent, mais enfin, dans aucun pays étranger, dans aucun consulat ni aucune ambassade, les affiches de Marine n'ont été visibles aujourd'hui. Et ça, je peux vous le dire sans ce sûr. Donc, effectivement, je peux le confirmer. Je le sais depuis ce matin 9h. Alors, on ne sait pas, par contre, on ne peut pas accuser sans savoir est-ce que c'est une gaffe de Nanterre ou du FN ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus grave, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, il n'y a pas un seul expatrié qui a pu voir aujourd'hui une affiche de Marine Le Pen à l'étranger. En parlant des expatriés, on va parler notamment des Dom-Tom. On a vu les résultats. C'est Mélenchon qui est devant. Non, c'est Macron. C'est Mélenchon dans les Dom-Tom. En Guadeloupe. Enfin, j'en sais rien. Bon, moi, je n'ai pas vérifié, mais que ce soit l'un ou l'autre, ça m'étonne Macron, pas. Mélenchon. Hein, Macron 1, Mélenchon 2, non. Je peux me tromper. Hein. Alors, Xavier, qui a les résultats sous les yeux. On a des confirmations. Donc, ce serait Macron 26, Marine Le Pen 23, Jean-Luc Mélenchon 22 et François Fillon 19. Ça, c'est pour la France. Ça, c'est pour la France. Donc, le résultat semble se confirmer. Oui, en effet, apparemment, c'est vraiment les sources qu'on a de partout. Et sociologiquement, comment expliquer ce vote ? Qui vote Macron en France ? Au-delà de la sociologie, là, on est dans une nouvelle détermination qu'il faudra quand même commencer à penser. C'est ce qu'on appelle la connerie humaine. Hein, humaine, oui. Oui, pas mieux, oui. Bah, le vieux 68 heures que je suis, on disait élection piège à con, c'était tellement vrai. Quoi. C'est con l'élection d'un Bonaparte au suffrage universel, parce que ça repose sur des données qui sont apolitiques, qui sont l'élection dans Macron, c'est la preuve que tout ça n'a plus de sens. Et on pourrait aussi souligner les méthodes employées dans cette campagne. On a vu dans une vidéo YouTube la façon dont les meetings de Macron étaient organisés, la façon dont on poussait les gens à crier à certains moments, à applaudir à certains moments par des SMS qui étaient envoyés à des centaines de gens dans le truc, dans le meeting. C'est quand même des méthodes assez nouvelles qui sont peut-être inspirées des États-Unis, je sais pas, mais en tout cas, clairement. Moi, j'avais jamais vu ça. C'était organisé de façon très méthodique, quasiment militaire, avec des sections spéciales, des gens qui devaient applaudir, qui devaient dire bravo, qui devait dire il a raison. On leur mettait même les phrases qu'ils devaient prononcer. Moi, j'ai trouvé à Macron aussi, on met les phrases. D'ailleurs, quand il se plante dans un discours, il le dit en public. J'ai pas compris ce qu'on m'a écrit. Donc, je veux dire. Moi, il est marrant. Voilà, ouais, c'est au moins, c'est une certaine sincérité. Mais est-ce que c'était. Oui. Ce qui est assez déprimant, c'est qu'on se dirige donc vers la réussite du matraquage médiatique qui n'avait pas fonctionné en Angleterre et qui n'avait pas fonctionné aux États-Unis. Et le dernier endroit, visiblement, où ça risque de fonctionner, c'est la France. Voilà. C'est parce qu'on est dans un basculement aussi dialectique. Ce mouvement, bref, qui a vu le Brexit, l'élection de Trump, a déjà reçu sa contrepartie. Toute action génère une réaction. Et là, on est en pleine réaction, parce que le virement de Trump aussi, j'ai l'impression que vous l'appréciez pas vraiment. Non, mais on parle juste d'élection. Oui, mais justement, mais je pense qu'au niveau global, au niveau cosmique, si je puis dire, enfin, terrestre, il y a déjà la vague est déjà en plein reflux. Hein. C'est un reflux, hein, le changement de Trump. Je suis d'accord. Mais au-delà de ça, il y a quand même un truc qui est étonnant, c'est que pendant des mois, Marine n'a cessé de monter, clairement, et ça c'est incontestable, tout le monde le disait, etc. Alors on peut se poser la question, pourquoi elle a cessé de monter? Elle a fait une campagne brillante. Pourquoi? Oui, enfin, ça, on peut, moi je ne suis pas d'accord, mais on a, voilà, je ne pense pas, mais on peut dire qu'elle a fait une campagne brillante. Parce que les médias disent le contraire. Les médias disent, en gros, Marine a fait une campagne. C'est, d'ailleurs, pour une fois, je suis d'accord avec eux, donc c'est, je trouve qu'elle a fait une mauvaise campagne. Mais cela dit, bon, voilà, oui, parce que déjà, elle a laissé récupérer la colère populaire par Mélenchon, même s'il est pas ce soir au deuxième tour, mais qui a quand même monté grandement, à force de vouloir toujours paraître lisse, etc. Et puis, je pense qu'elle a sous-estimé la possibilité que l'électorat musulman français puisse voter pour elle, alors que c'était absolument le cas, et que c'est pas forcément quelque chose qui a toujours été entendu. Moi, je pense ça, mais voilà. Ça, excusez-moi, que l'électorat puisse voter Marine. Que l'électorat musulman français puisse voter Marine, alors que pour moi, c'était une évidence, et qu'ils ont pu être refroidis aussi par certaines déclarations. Voilà. Les musulmans votant Marine, ce serait que ce soit des imbéciles, quoi, je veux dire. Je ne les sous-estime pas au point de croire une seconde que les musulmans voteront Marine Le Pen. Ben moi, je crois que si. J'en ai eu beaucoup de musulmans qui étaient prêts à le faire, mais qui, évidemment, ont sans doute reculé par rapport à certaines déclarations. Oui, ça, c'est sûr qu'elle n'a pas fait des déclarations. Ça, voilà, ça, on est bien d'accord. La minorité musulmane lucide et consciente. Et d'ailleurs, les attentats sur les Champs-Élysées qui ont eu lieu il y a quelques jours seulement, apparemment, n'ont pas eu d'effet, parce qu'on aurait pu s'attendre justement à un effet positif plutôt pour Marine Le Pen, et là, Macron devant Marine, c'est... Moi, j'ai pas cru que ce serait... Excuse-moi de t'interrompre comme ça, un peu grossièrement, mais c'est pas un effet... J'ai tout de suite pensé que ce serait pas un effet Marine. Mais parce que quand il y a un attentat comme ça, le caractère moutonnier, c'est d'aller vers l'État tel qu'il est. Tout à fait. Alors là, oui, je suis c'est tout à fait le pouvoir tel qu'il est. Et ça, c'est classique, hein. D'accord. Bon, c'est cet attentat fomenté par les méchants islamistes dont on retrouve les papiers, tu sais, bon, etc. Toujours le même coup. Toujours le même coup. Après la carte d'identité laissée sur la voiture, là, c'était apparemment, il y avait un mot dans sa poche disant qu'il aimait Daesh ou un truc du genre. Enfin, ceux qui les ont fomentés, à mon avis, bravo, hein, ils ont réussi leur coup quand même. Ils ont fait monter Macron. D'accord. Et donc, justement, on y vient d'un point de vue géopolitique. Quelles seraient les conséquences d'une élection de Macron en France? Une catastrophe. Parce que c'est l'accélération de la dictature du capital financier. Macron n'a pas les moyens, ni les réseaux, ni la constitution personnelle pour tenir la politique antisociale, radicalement antisociale. Donc il va faire du valse au carré. Et qu'est-ce que c'était valse? C'était un début de dictature, hein. Je répète mon exemple au Chili, ce sont des Chicago Boys, c'est-à-dire des Macron, des traders, des Golden Boys qui ont financé le coup d'État de Pinochet, qui a été une dictature implacable des riches sur les pauvres. Parce que Pinochet, c'était, contrairement à ce que les crétins de l'époque disaient, c'est pas l'anticommunisme, la défense du monde libre, ça a été privatisation à outrance et destruction physique de l'avant-garde ouvrière. Je pense que le trader Macron ouvrira la porte sur une dictature implacable, une dictature sans phare. Donc je pense que c'est le dernier moment de la démocratie française. Avoir élu ce type, hein, je suis content aujourd'hui, je suis content d'avoir 60 balais, parce que j'aimerais pas être jeune, parce que si j'étais encore jeune, je me dirais, il faut que je continue à m'occuper de la politique, mais là moi je sais que je laisse tout tomber, hein, avec Macron... À 100% d'accord, pas mieux, mot pour mot. Félix Niche, vous êtes ému. Non, parce que je suis révolté. Chers auditeurs, nous accueillons maintenant Alain Soral, le président d'Égalité et Réconciliation, qui vient d'arriver. Alain Soral, installez-vous, je vous en prie. Il y a un siège ici, puisque Xavier est parti pour une raison que j'ignore. Il fait un peu ce qu'il veut aujourd'hui, ce soir, Xavier. Oui, mais de toute façon, le principe, c'est qu'on doit être quatre en permanence. C'est ça. Quand il y en a un qui rentre, il y en a un qui sort. Je sortirai. Bah, de toute façon. Alors, Alain Soral. On a fait un quart d'heure de commentaires, on a envie d'aller boire un coup. Hein Alain Soral, bonjour. Bonjour à tous. Alors moi, j'allais à la pêche aux infos, tu sais, soi-disant ceux qui auraient les chiffres avant les autres. Et c'est très, très embrouillé hein, pour l'instant. Hein. C'est très embrouillé. D'accord, parce que nous, jusqu'à maintenant, on avait plutôt l'impression que Macron était devant Marine avec 23%, c'est ça ? Et Marine plutôt 20%. Moi, j'ai appelé des initiés qui m'ont dit on ne peut pas le confirmer. Hein. D'accord. Voilà. Alors, moi, qu'est-ce que je peux dire il est évident que les premiers votes auxquels on a accès sont les votes des expats et les votes d'Homme-Tom. Et c'est des votes qui sont très défavorables à Marine. Hein. D'Homme-Tom, ça amène beaucoup de Mélenchon. Et les expats, c'est du Macron à fond les ballons, puisque l'expat, c'est le type qui a monté une start-up à l'étranger, qui fait partie des Happy Few mondialistes. Il ne va pas voter Marine. Donc, si c'est ça, ce qui guide les stats actuelles, ça ne peut pas forcément prouver grand-chose, parce que tant qu'on n'aura pas dépouillé la France profonde, les villes moyennes, etc., on sera sur, à mon avis, une fourchette trop restreinte. D'accord, donc vous dites qu'en fait, les chiffres qu'on a actuellement sont des projections de chiffres défavorables à Marine Le Pen. Les premiers endroits qui sont dépouillés, c'est pas la métropole, visiblement. Hein, puisque les votes... Moi, j'ai déjà eu, dans l'après-midi, des chiffres assez précis sur les expats. Hein, ça veut dire les mecs qui sont à Washington, les mecs qui sont à Hong Kong, etc. Mmh. Et Macron était très largement en tête. Il y a même des endroits où il est à plus de 50% dès le premier tour. Et des endroits où Marine est à 4, tu vois. Mmh. Alors peut-être que ça, effectivement, ça fait baisser Marine, j'ai écouté ce que tu disais. C'est vrai que si Macron arrive en tête, et même s'il est deuxième, c'est effectivement affligeant. Ça veut dire que le système a réussi à faire du citoyen un consommateur qui fonctionne que sur le psychu, ouais, qui était avant une spécialité des femmes, ouais, et qui se serait étendu. C'est la féminisation. C'est la féminisation, oui, mais même plus au-delà. Ça serait effectivement. On en parlait d'ailleurs. On en parlait à la conférence là qu'on a fait à Nice. Oui, puisque vous revenez du tour anniversaire. Un test, effectivement. Si Macron est très haut, ça veut dire que le recours à la logique, à l'argumentation historique, etc., n'est plus suffisant. Parce qu'on peut dire que nous, on a fait le travail, mais que les grands médias n'ont pas fait, mais c'est même pas vrai, parce que tous les grands journalistes mainstream ont dit à un moment ou à un autre que Macron était une baudruche, qu'il n'y avait rien dans ses discours, et que donc les gens qui ont fabriqué Macron, qui est une sorte de golem, en fait, c'est Sarkoland, hein, c'est faire de manière scientifique ce que Sarkozy avait fait de manière bricolée quand il avait appelé Kouchner comme ministre, c'est-à-dire que c'est un candidat gauche-droite. Hein, c'est un candidat, on va dire, généraliste, comme pour un médecin, tu vois. Et il est apolitique d'une certaine manière, hein, ou métapolitique, ou aware. Ouais, hein, non, il est aware. Hein. Et ça veut dire que si jamais il est premier, ça veut dire que le système, ceux qui l'ont fabriqué, hein, c'est-à-dire Minc, Pierre Berger, c'est-à-dire les nos maîtres de l'oligarchie mondialiste, vont démontrer qu'ils sont capables d'amener pratiquement à la tête de l'État un golem, quoi, un espèce de robot qui n'a aucune épaisseur politique fondée sur ce qui fonde le sérieux du politique, c'est-à-dire l'économico-social, l'historique, le géopolitique, et que donc ils jubileront en se disant, voilà, avec tout le travail qu'on a fait de destruction de la raison, hein, puisqu'on peut citer Lukács, et d'abrutissement par la féminisation et l'infantilisation du citoyen, on est capable maintenant d'amener au pouvoir un type qu'on caste, qu'on fabrique à partir de rien, c'est-à-dire c'est l'histoire du golem, hein, il est fait avec de l'argile, le golem. Oui, absolument. Ouais. Voilà, il est fait avec quelque chose d'encore moins noble que de l'argile, à mon avis, qui doit sentir un peu plus fort. Donc, effectivement, c'est un moment très important, là, à 20h, parce que moi, je pense que Marine, je pense qu'elle est qualifiée. Elle sera deuxième derrière Macron, ça veut dire que le système savait que Marine était le candidat à battre, et qu'ils ont réussi à amener au deuxième tour face à elle, cette espèce de candidat apolitique généraliste qu'est Macron, dans le but de le faire gagner. Ça, c'est le premier constat, c'est-à-dire on avait eu le même sentiment d'inquiétude quand je m'étais intéressé à l'époque aux élections russes, quand ils avaient réussi à faire réélire Eltsine à l'époque, hein, alors que son bilan était cataclysmique. Ils avaient réussi à coup de corruption, de femmes à poil, de spots publicitaires psychu, toujours pareil, hein, le psychu contre le politico-économique, hein, et malheureusement Je dirais que l'affectif est une pente descendante, alors que le logo, c'est une pente qu'il faut monter. C'est plus facile de descendre que de monter. Et quand tu opposes l'affectif à la raison, je dirais, c'est s'il n'y a pas une volonté politique forte pour faire triompher la raison, quand tu les mets à égalité de force, c'est l'affectif qui gagne. Hein. Tu te rends pas compte ce que tu dis, ça rappelle vraiment ce que disait Kluskar face à Séguéla, parce que là, on est en situation Séguéla. Le philosophe est impuissant face au sophiste. Et ça, aujourd'hui, c'est Séguéla, tu vois, qui triomphe. Il n'y a que Dieu qui peut savoir que tu as dit la vérité. Ouais. Mais comme je disais, la politique est qui s'appuie sur la philosophie, en réalité, hein, sur la science de la vérité, est un sport sans arbitre. Il n'y a pas d'arbitre. C'est-à-dire que si on a l'impression, on a l'impression qu'il a gagné, il a gagné. Hein, et c'est vrai que, rappelons-nous effectivement de Kluskar, apostrophe, face à Séguéla. Le démagogue l'a enfoncé en réalité. Le démagogue l'a enfoncé. Et Kluskar a une victoire posthume par rapport aux gens qui ont un niveau de culture pour dire qu'effectivement sa démonstration sur le libéralisme libertaire était de haut vol. Mais n'empêche qu'il a eu une vie de chien crevé, qui est une expression qu'on va chercher effectivement dans les tréfonds de la politique authentique. Alors que Séguéla a surfé toute sa vie sur la pub, il a eu la belle vie, entre guillemets. Hein. Il y en a un qui a eu la belle vie et l'autre qui a souffert toute sa vie de combattre pour la vérité dans une période qui lui est infiniment peu favorable, alors qu'on est censé être dans une période de laïcité, donc de raison, puisqu'on n'est pas dans une période de révélation et de religion. On est censé être dans une période a-religieuse, puisque laïque est de triomphe de la raison. Or, en fait, la raison est en train, avec, je dirais, si Macron est au deuxième tour, de disparaître de plus en plus des consciences citoyennes. Hein, voilà. Non, et puis il n'y avait rien de caché avec la candidature d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que le CV a été revendiqué. J'ai dit, on ne peut pas dire qu'il n'y a que nous qui l'ayons démasqué. Tout le monde, en fait, à un moment donné, les analystes politiques et les journalistes, pour ne pas passer pour des cons, compte tenu de la misère de ses prestations, avaient reconnu tous à un moment donné que c'était du vide. On ne peut même pas dire que nous étions seuls à le dire face au système. À un moment donné, le système l'a dit. Même le storytelling était glauque avec son histoire de Barbier femme, et d'Alcrieff. Valent un sondage, n'est-ce pas ? Alors tout à l'heure, ils ont préparé le terrain comme pour dire que Fillon allait l'avoir dans le bab. Alors je sais pas si c'est moi qui ai compris ça, mais ils avaient une espèce de discours sur que c'était si Fillon n'était pas gnagnagna, ça peut-être la fin de sa carrière. On aurait dit effectivement qu'ils préparaient le fait que Fillon est pas qualifié. Mais après, c'est des interprétations de petits gestes subliminaux. Hein, et de... Mais comme dit Xavier, quand même, il peut pas y avoir deux types sur le même créneau. Si Macron monte, il peut pas y avoir Fillon. Là, c'est quand même la même classe. L'un était fait pour flinguer l'autre, et normalement, nous, on se disait que Macron n'y arriverait pas parce que Fillon avait refusé de se retirer. Si Macron est quand même au deuxième tour, bien que Fillon ne se soit pas retiré, effectivement, c'est le système a produit une performance, un truc de prestidigitateur assez à la fois époustouflant et affolant. Et ça veut dire que ce sourire narquois des minques, etc., n'est pas, comment dirais-je, de l'abus de confiance. Eux, ils sont finalement peut-être plus réalistes que nous. Nous, on est encore dans la conscience possible, tu sais. Eux, ils sont dans la conscience réelle, quoi. Alors, je crois qu'on y est, là. Oui, ce qu'on peut faire, c'est mettre BFM TV. Eh bien, dans moins d'une minute, nous pourrons vous annoncer les deux finalistes du second tour. Deux candidats qui se dégagent, donc. Deux candidats qui se dégagent. Il faudra, bien sûr, rester prudent, mais sur leur ordre d'arrivée. Mais sur les deux finalistes, nous pourrons vous les désigner dans maintenant 25 secondes. Eh bien, il est temps, justement, de commencer à penser au décompte de ce premier tour de l'élection présidentielle, sachant que, bien sûr, ils étaient 11 sur la ligne de départ. Ils ne seront donc plus que deux ce soir. Et nous serons très rapidement dans les quartiers généraux des différents candidats. Les Français ont voté tout au long de la journée. Les bureaux de vote ont fermé. Ce soir, selon l'estimation, est là pour BFM TV. Deux candidats se dégagent donc. Emmanuel Macron, 23,7. Marine Le Pen, 22%. Vous voyez qu'ils sont véritablement au coude à coude, l'un et l'autre. Vous voyez l'effervescence dans chacun des quartiers généraux, où nous serons, bien sûr, en direct. Dans un instant, derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et c'est ce qui fait ce soir la situation inédite de cette élection. Vous le voyez, c'est Jean-Luc Mélenchon, François Fillon et qui sont tous les deux au coude à coude à 19,5%. Benoît Hamon, le candidat de la gauche issu de la primaire, est très loin à 6,5%. Voilà donc pour les deux finalistes, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, avec Emmanuel Macron, selon l'estimation des labs, qui est tout juste devant. Suivent ensuite les autres candidats, dont nous vous donnerons, bien sûr, les scores au fil de la soirée, au fil de l'heure. Chers auditeurs, vous êtes en direct sur RFM. Alors, pour des raisons techniques, nous avons dû nous déporter sur Facebook Live. N'hésitez pas à rejoindre ce live et à le partager, très important. Donc, on vient d'avoir les premiers résultats, hein, 23,7% pour Macron, 22% pour Marine Le Pen, 19,5% et 19,5% pour Mélenchon et François Fillon. Alain Soral, votre première réaction ? Ma première réaction, c'est que je trouve Macron bien trop haut, effectivement. Sinon, ça, on imaginait bien que Mélenchon serait assez haut, il l'est. On pensait que, moi, en fait, j'avais donné mon tiercé, on s'en rappelle. Hein, j'avais dit Marine, Fillon, Mélenchon, Macron. Hein, ce qui était un peu aussi mon espoir. Hein, ça correspondait, moi, à l'idée que les gens ont encore un cerveau qui fonctionne, etc. Là, Macron est très très haut. Alors, mon intuition, ça serait que Marine va le rattraper en cours de soirée, à mon avis. Hein. Elle est possible qu'elle repasse devant. C'est mon intuition. Mais de toute façon, voilà, ça veut dire que Macron est qualifié pour le deuxième tour et qu'on a donc un deuxième tour très intéressant. C'est-à-dire le système contre l'antisystème, hein, le candidat national contre le candidat mondial, hein, puisque finalement, moi, je pensais qu'il y aurait un deuxième tour Marine-Fillon, qui aurait été beaucoup plus angoissant, parce que Fillon, finalement, ça peut être un peu le candidat un peu patriote, un peu national, un peu catholique, etc. Là, on a vraiment le golem du mondialisme face à, comment dirais-je, le village gaulois qui résiste. Hein. C'est intéressant d'un avec point de vue symbolique. Avec un Mélenchon très haut, malgré tout. Mais il est très haut, il est quand même dehors. À égalité avec Fillon. Ouais, mais il rattrapera pas ça. Enfin, je pense pas. Je pense qu'ils sont tous les deux sortis. Fillon et Mélenchon sont out, quoi. Et ces résultats entérinent également la mort du Parti socialiste avec un Hamon à 6,5%. Ouais, j'avais dit qu'il finirait à 5. J'aime bien toujours exagérer, mais on est pas loin. Et alors, moi, mon running gag de la soirée, mais c'est il est où Asselineau ? Parce que il faut que je me souvienne de tout ce que j'ai pris dans la gueule avec Asselineau. Alors ouais, il est très bas puisqu'on ne le voit pas encore sur le graphique. Bah peut-être s'il se met sur la pointe des pieds, peut-être apparaître dans l'image. Parce que normalement, il devait passer dès le premier tour, d'après ce que j'avais entendu de ses supporters, et éjecter Marine du second s'il ne passait pas dès le premier tour. Et il semblerait que ce ne soit pas tout à fait ça. En tout cas, Dupont-Aignan et Asselineau, merci, c'est grâce à vous que Marine n'est pas en tête. Dupont-Aignan, ouais, 5%, Jean Lassalle, 1,2%, Philippe Poutou, 1,1%. Et alors, il est où, Asselineau ? Et Asselineau, 0,8%. Ah, quand même, j'avais juste dit monsieur 1%, je l'ai surévalué une fois de plus. Cheminade, le pauvre. Jacques Cheminade, 0,1%, ouais, effectivement. Ouais, bon, enfin, Dupont-Aignan est le seul à avoir soutenu Marine quand même sur le coup de... Oui, alors la différence entre Dupont-Aignan et Asselineau, c'est que Dupont-Aignan n'a pas fait sa campagne contre le Front National. Il a fait sa campagne à lui, ce qui est déjà plus élégant. Absolument. Alors qu'Asselineau, c'est un candidat anti-Front National. Hein. Donc, il est à 0,8. Donc, les gars, là, tous les excités, les dingos de la secte Asselineau, maintenant, camembert. Hein, c'est comme ça qu'on disait à l'école. Camembert. Ouais. Ferme ta boîte à camembert. La première chose à dire, c'est que dans ce deuxième tour Macron-Marine est le candidat de gauche. Hein, voilà. de la gauche sociale, bien évidemment. Et même d'ailleurs aussi de la droite des valeurs, puisque l'autre, c'est le super candidat libéral-libertaire. Super libéral, super libertaire. Hein, c'est-à-dire Bank Rothschild et gay-friendly. Hein. Et ce qui valide d'ailleurs, comment dirais-je, la ligne Philippot, on peut quand même le dire. C'est qu'effectivement, l'avenir du Front National et la victoire du Front National se joue à gauche. À gauche. Hein, on est d'accord. À gauche toute. C'est vraiment notre seule issue, hein, notre seul espoir. Est-ce que les Français sont mûrs pour casser le Front républicain ? Justement, c'est ce qu'on essaie de dire. Là. C'est vrai que là, ça ne se fera pas facilement avec un Macron. Ça se serait fait très facilement avec un Mélenchon, ouais. avec un Hamon aussi, mais avec un Macron, cet employé de banque, non, ça va être très dur. Les travailleurs savent qui c'est, ils connaissent la loi comme moi. Enfin, je ne vais pas me répéter sans arrêt. Mes chers amis, je vous laisse... Stéphane Blais, je vous vois accablé par ces résultats partiels. Je suis tout à fait d'accord avec ce que je viens d'entendre, en effet. Je crois que ce sera très, très difficile. Et puis en plus, effectivement, comme il n'a pas un programme clair en dehors de ce qui vient d'être dit, il s'adapte en permanence, il a des discours qu'il répète. On ne sait pas du tout ce qu'il va faire dans les 15 prochains jours. Et ce qui est terrible, c'est de voir à quel point Alors, oui, bien sûr, les ouvriers, j'espère qu'ils sont au courant et qu'ils se souviennent qu'il a été le ministre des Finances de Hollande et qu'il est responsable de tout ça. J'espère j'espère, enfin je pense quand même, mais c'est vrai qu'on ne sait plus, parce qu'on ne comprend pas très bien d'où... Voilà, alors qu'on comprenne, on comprend que les certains bourgeois puissent voter pour Macron, même si le vote bourgeois, normalement, c'était plutôt Fillon, mais que les expats votent pour Macron, c'est logique, mais maintenant, le score est quand même tellement élevé qu'on se demande d'où viennent toutes ces voix. Enfin, je ne sais pas si vous avez une idée, mais cette ça me paraît quand même très, très haut. Marais, là, c'est nuit debout. Quand je vous ai dit tout à l'heure que à la manière... À la façon dont les commentateurs de BFM parlaient de Fillon, ils savaient déjà qu'il était out. Mon pif avait fonctionné. Ouais. Ils étaient déjà en train de mettre les clous dans le cercueil il y a une heure. Hein. Et nous, en voyant le sourire de Ruth Elkrief, nous avions aussi bien anticipé. Là. Merci. Et pourtant, on avait l'impression en fin de campagne que les médias eux-mêmes ont douté de Macron et qu'ils cherchaient à récupérer un peu Fillon. C'était qu'une impression, visiblement. Les attentats ont marché. Là. Ce qu'on peut faire remarquer quand même, c'est qu'on s'attendait à une Marine beaucoup plus haut que 22. Hein. Voilà. On la voyait à 27, des fois même à 30. Que donc, les médias ont dit qu'elle n'avait pas fait une très bonne campagne. Moi, je ne me suis pas prononcé là-dessus. J'avais pas d'avis. Mais 22, c'est un peu décevant pour elle, puisque finalement, son père était capable, en étant crypto-réviso et rivarol, à faire 18. Ouais. Donc, tous ces sacrifices... Ses sacrifices face au politiquement correct, face à Israël et face à tous ces mecs qu'elle a virés à coups de pompe dans le cul sur le moindre signalement de journalistes de BFM TV ou de Canal+, pour faire plus 4 au premier tour, est-ce que ça les vaut, hein? Bon, tu me diras, elle est au deuxième tour, hein, mais quel prix à payer, je veux dire, et surtout quel petit gain, parce que de 18 à 22, c'est que plus 4. Plus dynamique, on s'attendait à la voir à 30, hein, en début de... Après les primaires, quand la campagne a commencé, on la sentait à 30. Hein, bon, elle est quand même qu'à 22. Hein. Tout dépend aussi de l'abstention, hein, parce qu'il faut toujours ramener un résultat électoral en voix absolue. Il faudra regarder le nombre de voix qu'elle a fait réellement et comparer au nombre de voix exactement. Il n'y a pas une grosse abstention, il n'y a que 20%. Il y a 20%, ah, 80% de participation. L'abstention serait dans 23. Alors c'est un faible pourcentage. Oui, c'est décevant. Elle fait un score décevant. Chers auditeurs, on écoute la déclaration de Benoît Hamon. Mon éthique politique. Cet échec est une profonde meurtrissure. Je mesure la sanction historique, légitime, que vous avez exprimée envers le Parti socialiste. L'élimination de la gauche par l'extrême droite pour la seconde fois en 15 ans n'est pas seulement une lourde défaite électorale. Elle signe pour notre pays aussi une défaite morale, en particulier pour la gauche. La gauche... Toute la gauche doit entendre dès ce soir votre message. Assez, assez de cette folie autodestructrice qui nous a fait oublier ceux qui ont lutté pour la gauche dans l'histoire, mais aussi et surtout ceux pour qui la gauche doit lutter au quotidien. Je suis fier d'avoir mené une campagne fondatrice qui a redonné sa place à la magnifique jeunesse de notre pays, aux intellectuels et aux idées nouvelles, aux citoyens aussi. Une campagne démocratique, sociale, écologique, européenne, dont les ruptures, dont les innovations, décriées comme l'est parfois ce qui est inconnu, sont autant de graines semées pour l'avenir. La gauche n'est pas morte. La gauche n'est pas morte. Je sais que vous n'attendez pas une recomposition d'appareil, les arrangements d'un vieux monde politicien épuisé par une Ve République elle-même à bout de souffle. Vous me l'avez dit, vous attendez une renaissance. Ce soir, elle est douloureuse. Demain, elle sera féconde. Je ne vous la promets pas, je vous la demande. La gauche du XXIe siècle ne peut naître que de votre volonté et de vos espoirs, pas seulement de votre colère. Mais avant cela, il nous faut être à la hauteur du moment. J'appelle donc à battre le plus fortement et le plus puissamment possible le Front National. À battre l'extrême droite en votant pour Emmanuel Macron. Même si celui-ci n'appartient pas à la gauche et n'a pas vocation à le représenter demain, je fais une distinction claire, totale, entre un adversaire politique et une ennemie de la République. L'heure est grave, le combat continue. Dès le second tour de l'élection présidentielle, dès les législatives qui suivront les élections présidentielles, Ce soir, je ne pense qu'à celles et ceux qui nous attendent. Je ne les abandonnerai jamais. Je ne déserterai jamais. Pas seulement parce que c'est le devoir de la gauche. Pas seulement parce que c'est le devoir de la gauche, mais parce que c'est le combat de ma vie. Parce que je sais d'où je viens. Parce que je sais pour qui je me bats. Je ne renoncerai jamais à parler à l'intelligence du grand peuple que vous êtes. Aujourd'hui donc, vive la République et que demain, vive la gauche. Je vous remercie. Son élection à nous, parce que de retour. Alors, on vient de voir la déclaration de Benoît Hamon suite au résultat. Qui appelle à voter Macron. Oui, ben voyons. C'est vraiment l'ordure socialiste et la gauche putride dans toute sa splendeur qui, face au candidat social qui est Marine Le Pen sur la ligne Philippot, appelle à voter pour la banque Rothschild. C'est assez parfait ce qui se passe ce soir en ce moment. C'est tragique, mais au sens que c'est beau comme une tragédie. Tout est en place. C'est-à-dire que le Parti Socialiste appelle à voter pour Macron, alors qu'il est évidemment sur le plan social le candidat de droite. C'est clair et net. Évidemment. Ou plus précisément, contre une ennemie de la République. Oui, ça veut dire qu'il va falloir encore définir un peu plus ce qu'ils appellent République. La République, ça s'écrit en deux mots. Et effectivement, c'est ce qu'on appelait dans le temps la plutocratie. Exactement. Ce qui va être intéressant, parce qu'il faut essayer de voir ce qui est le sérieux dans tout ça, c'est le discours de... Si Mélenchon va oser tenir le même discours que le discours de cette ordure d'Hamon. Inéluctablement, il va le tenir. Il ne peut pas tenir le même. Voilà. Pas le même discours, mais il va arriver à la même conclusion. De tortiller un peu plus pour arriver à la même conclusion. Voilà, sans doute il s'y prendra mieux. Là, on est face dans une logique de spectacle. Je suis curieux de voir comment on va réussir à enfler la classe ouvrière, force, le monde du travail, par rapport à ses positions sérieuses et objectives, pour appeler à voter pour le candidat antisocial face à la candidate dont il a produit pratiquement le même programme économique pour essayer d'accéder au deuxième tour. C'est vrai que c'est un sport kabbaliste, mais il est habitué. C'est là qu'on verra le frère Latruelle Mélenchon. Révéler tout son talent et toute sa duplicité. Ah oui, je vais écouter ça. L'homme qui a fait toute sa campagne sur l'abrogation de la loi El Khomri, qui va appeler à voter pour le type qui a dit qu'il faut aller plus loin que la loi. Parce qu'il a déclaré, je vous rappelle, le cher Macron, il faut aller plus loin. Parce que Hamon, c'est la vieille rhétorique, l'antifascisme. Oui, c'est ça. Mais Mélenchon qui est très haut, à 2 points de Marine Le Pen. Ouais, c'est curieux. Mais ça, on savait que Mélenchon serait haut, mais c'est Marine Le Pen que je trouve très bas, finalement. Mmh. Oui, très très bas. Et est-ce que finalement, on n'aurait pas sous-estimé la ligne R, comme on dit, et c'est la possibilité qu'il puisse y avoir un vote musulman? Je sais que c'est contesté, Mais ça, on ne va pas revenir là-dessus. Elle a fait des... Je te demande ce que tu en penses. Non, mais il y avait l'alerte Wilders, qui a fait toute sa campagne sur l'anti-islamisme et qui n'a pas marché en Hollande. Et les Hollandais sont bien plus racistes que les Français, je le rappelle. Ce sont des protestants. Il suffit de voir comment ils se sont comportés en Rhodésie ou en Afrique du Sud. Donc de toute façon, j'ai toujours dit que c'était une mauvaise ligne. Mais moi, je ne vais pas commencer à dire que Marine s'est trompée et que si, elle avait fait comme j'avais dit, etc. Je l'ai toujours dit, donc je ne vais pas changer maintenant. Je pense que l'anti-islam n'est pas si rentable que ça. Mais est-ce qu'elle a été si anti-islamique que ça pendant la campagne? Ouais, elle l'a été quand même pas mal. Elle a été quand même pas mal, mais bon, on se dit, bon, maintenant, c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est, bon, Marine est quand même au deuxième tour. Son père y avait été, je dirais, par hasard. Elle y est quand même... c'était prévu et elle y est arrivée. Et le vrai souci, c'est ça, c'est Macron et l'histoire de l'arc républicain, maintenant. Voilà, ça sera difficile à dépasser. Alors là, Soral, on est en direct sur Facebook Live. On a 7000 personnes qui nous suivent actuellement et beaucoup d'internautes qui s'interrogent sur le score d'Asselineau qui trouve bas. Asselineau à 0,8%. Bande de connards. Toujours aimable. Bande de crétins. J'avais dit d'ailleurs que finalement, Asselineau, la stratégie du système, c'était de l'aider pour enlever des voix à Marine pour le premier tour, mais que finalement, ça fonctionnerait même pas. Il a pris 0,8, un petit peu à Fillon, un petit peu à Marine. Peut-être que ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire que par sa pédagogie sur l'Union Européenne, il a amené des gens à... Non, mais par contre, lui face à Macron, ça serait intéressant de voir ce qu'il va dire entre les deux tours. Effectivement. Parce que ne rien dire du tout, C'est très grave. Hein, parce que, oui, et c'est quand même un candidat anti-Union européenne. Hein, et maintenant, le seul candidat qui reste pour incarner un peu ses idées, c'est Marine. Alors si... Bien sûr, mais moi, il avait dit qu'en aucun cas, oui, il avait voté Marine. Mais ce genre de mec, il suffit que tu parles un peu fort. Ça, c'est clair. Apathy lui a fait dire ce qu'il voulait en trois phrases. Hein. Mais maintenant, moi, j'attends Asselineau et les Asseliniens, là. Je les attends entre les deux tours, hein, parce que là, l'heure est grave. Hein. Alors, ce qui est intéressant... On peut observer sur les images, c'est la revendication du drapeau européen par Emmanuel Macron et ses partisans. Et est-ce qu'on ne peut pas se retrouver dans une configuration type 2005, c'est-à-dire référendum pour ou contre l'Union européenne, si Marine Le Pen arrive vraiment à axer sa campagne de second tour sur ce terrain-là, c'est-à-dire un mondialisme patriote, Union européenne, souverainisme, France. Je te signale que si Marine a renoncé au référendum de sortie immédiatement après son élection, c'est par stratégie, parce qu'elle a vérifié par ses études, tu sais, qu'elle s'appuie sur les études du frère de Philippot, que c'était anxiogène pour les Français. Tu sais, qu'il fallait pas trop parler de sortie d'Europe et pas trop parler de retir au franc, parce que ça faisait peur aux Français. Et tout ça, chez eux, est le fruit de calculs purement électoraux. Alors évidemment, elle est au deuxième tour, donc on veut dire que le contrat est rempli, mais c'est pas 27 ou 30, hein. c'est un peu inquiétant parce qu'elle est talonnée quand même par les deux autres là. Hein. Oui, tout à fait. Mais cela dit, si le score en reste là, le report des voix de François Fillon comme de Mélenchon. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que dise Mélenchon, est-ce que les électeurs de Mélenchon vont massivement se reporter sur Macron ? À un moment donné, il faut pas oublier que les électeurs font ce qu'ils veulent. Ça, c'est sûr que on peut dire qu'il en perd la moitié. Sûr que non, ouais, sûr. Hein. Ils vont s'abstenir ou voter Marine, mais ils vont pas voter pour Macron. Ça, il y en a moins de la moitié qui voterait Macron. C'est pas genre. Moins de la moitié. Alors que quand Hamon, avec ses 6%, dit vote fait de barrage au Front National, c'est pareil, si ça se trouve, il y a 3% de. Il y en a beaucoup qui vont s'abstenir. Chez qui ? Chez Fillon ? Non, chez Hamon, les gauchistes. Hamon, ils n'iront pas voter. On peut s'attendre à une... Chez Hamon, ils vont voter. Est-ce que c'est si militant que ça, le vote Hamon ? Non, mais quand même, c'est des antifas fondamentaux. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas du tout envie de le vote Hamon, c'est quasiment Dupont-Aignan. Hein, donc, en même temps, c'est pas non plus surdéterminant, puisque Dupont-Aignan se reporte... Nicolas Dupont-Aignan risque d'appeler à voter pour Marine Le Pen. Mais j'espère. Et Hamon a pas... C'est pas sûr qu'il le fasse. Ça équilibre, ça équilibre. Voilà, non, mais je... Moi, je pense que Dupont-Aignan le débat de deuxième tour va être très intéressant. Maintenant, ce... L'électorat de Fillon, une partie va voter Macron, hein, très nettement. Une partie va voter Marine. Non, on est dans quelque chose de très étrange. Peut-être, hein, peut-être 50-50. Si on veut faire un peu de comment dirais-je, de prendre un peu de recul, on peut vérifier quand même que ce premier tour, c'est la mort du Parti Socialiste et la mort de l'UMP, ça a changé de nom. C'est deux partis qui en fait, racontent toute l'histoire de la Ve République, surtout depuis l'éviction de Gaulle. C'est fini. Et maintenant, on a deux partis, en réalité, l'UMPS, puisque Macron, c'est l'UMPS, hein, c'est la jonction de l'UMP et du PS. Mmh. Hein, sous un troisième terme, c'était En Marche vers ça. Et ils ont réussi leur coup face, donc c'est l'UMPS face au Front National. Oui. Aujourd'hui, il y a deux partis. Et pour arriver à battre le Front National, il faut additionner, finalement, l'UMP et le PS. Donc ce que dit, finalement, Le Pen depuis des années, quand il parlait de la bande des quatre et qu'il parlait de l'UMPS, aujourd'hui, par c'est Macron, réalisé. C'est acté, c'est réalisé. Il y a un sens à tout ça, quand même. Hein. On a bien l'UMPS, c'est Macron, face au Front National, et donc le parti euro-mondialiste face au parti des patriotes. Hein, voilà. Et après, comment les gens comprennent la question sociale à travers cette alternative, c'est la vraie question. Parce que est-ce que les gens comprennent que l'euro-mondialisme, c'est antisocial ? Normalement, tout le démontre. Mais ils sont capables, parfois, de... C'est bien ça, le problème. Il faut avoir une certaine intelligence et une certaine culture politique et économique pour comprendre ça. Et tous les médias, par contre, travaillent pour qu'on ne le comprenne pas vraiment. Alors, quelle va être la pédagogie de Marine aussi, entre les deux tours ? Là, effectivement, elle est la candidate sociale. Alors, deux informations. Il semblerait que la France Insoumise consultera ses adhérents pour donner une consigne de vote ou pas. Ouais, bah ça, c'est plus malin. Ouais. Deuxième information, selon le Figaro.fr, Marine et Macron seraient à 23% chacun. Oui, moi je crois que normalement, moi je marche au doigt mouillé et au pifomètre. Hein. Je dis que Marine risque de pas repasser devant Macron en fin de soirée. Moi. Non, mais il paraîtrait que même dans les dom-tom, elle aurait remonté dans les dernières heures. Mais bon, ça c'est le cas du Front qui m'a dit ça. Voilà, on ne sait pas ce que ça vaut. Mais effectivement, en tout cas, pour l'instant, ils nous mettent en 24, 21, 8. Mais... Il faudrait peut-être passer sur la 2 de temps en temps. Sur non, BFM pour TV. Voir si est-ce qu'on n'aurait pas d'autres chiffres sur la 2 ? Non ? Je sais pas, je pose la question comme ça. Alors techniquement. On improvise un peu. Hein, c'est un peu l'improvisation, là, cher auditeur. Là, on est un peu dans la vraie dissidence, pratiquement au sens russe du terme. On y va tout droit avec Macron. Hein. C'est-à-dire qu'il faut rappeler, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, Alain Soral, il faut rappeler que notre serveur, ERFM, a été attaqué au moment où il a été mis en ligne. On est sur Facebook Live. Sur Facebook Live. C'est parce qu'on s'est fait effondrer notre serveur de la radio par des attaques pirates qui, en général, viennent de Tel Aviv. Et d'habitude, on arrive à contrer, mais là, c'est tellement massif comme attaque qu'on a pu sauver que le site. Hein, il fallait sauver le site ou la radio. On n'a pas pu sauver les deux. Donc, effectivement, là, on s'avance de plus en plus vers la clandestinité hein, et la résistance intégrale. Je me fais l'effet d'un malade qui avait une maladie quasi incurable et à qui on a dit tu vas t'en sortir finalement, pour apprendre que non, il va en reprendre pour 5 ans. Après le Bataclan, après Nice, après les terrasses, après ce gouvernement de guerre civile, 5 ans de Macron. Génial. Oui, mais vive la France. Mais moi, je suis toujours l'optimiste et toi le pessimiste. Maintenant, ça devient clair et net, comme dualité. C'est l'intérêt de cette affiche. Hein. Parce que un deuxième tour, Marine aurait terminé première avec Fillon deuxième. Le deuxième tour était vachement plus dur à argumenter, à négocier. Elle aurait fait 25, jamais plus. Oui. Non, mais c'est pas la question. C'est que c'était deux candidats de droite gens. Cela dit, ça aurait quand même été drôle de voir le canard enchaîné appeler à voter Fillon, par exemple. Oui, en effet. Là, à la limite. Mais ça, on a raté ça, c'est vrai. Là, à la limite, on est exactement ça incarne exactement la réalité du combat politique, hein, l'euromondialiste contre le patriote, hein, le candidat de droite au sens le plus moderne et effectif du terme, Macron, contre la candidate de gauche, avec Marine qui est bien obligée d'aller jusqu'au bout de cette logique que j'avais insufflé moi, rappelez-vous quand même, dès 2006 au Front National, puisqu'on parle toujours de Philippot, mais c'est quand même moi qui ai commencé le boulot avec le discours de Valmy et ce virage social, c'est que Marine est la candidate de la gauche sociale. Hein, oui, c'est net. Voilà. Alors, quelle réserve de voix a-t-elle dans l'abstention, notamment parce qu'on a vu que l'abstention était basse. Et ça, c'est plutôt défavorable au Front National. Ah, c'est défavorable, oui. Oui. Parce que les abstentionnistes, c'est des types qui sont dégoûtés. Donc, s'ils sont dégoûtés, ils vont pas aller voter Macron. Hein. Chers auditeurs, nous sommes toujours en direct sur Facebook Live d'Égalité et Réconciliation. Vous êtes plus de 7 000 à nous suivre actuellement. Et nous accueillons Serge Ayoub. Serge Ayoub, bonjour. Et bonsoir, oui. Alors, vous avez vu les résultats, comme nous? Oui, un beau hold-up. Macron en tête, Marine Le Pen deuxième, Marine Le Pen relativement basse. Qu'est-ce que ces résultats vous inspirent? C'est joli, un beau hold-up. Ah, clair, net. Le Parti Socialiste a un nouveau nom, et il continue. Hollande est au deuxième tour. Hollande, pardon, en un petit peu plus mignon, avec moins de bourrelets. Oui, donc le système a su imposer son candidat aux Français. Oui. Oui. Contrairement aux États-Unis, où finalement les Américains ont été plus dissidents, en quelque sorte. Il y a le deuxième tour, quand même, attendez. C'est Hillary Clinton face à Trump, là, un peu. Oui. Oui. Mais vous ne semblez pas très... Macron fait Hillary, un peu. Oui. Et Marine fait Trump. C'est vrai, oui. Mais vous ne semblez pas très optimiste à l'égard de ce... Je vois pas les gens de le flot de votants pour Benoît Hamon voter pour Marine. Oui, ça, je crois qu'on est d'accord. Je ne pense pas que une grande majorité de ceux qui étaient avec Fillon voteront pour Marine. Et alors, on ne sait pas encore parce que je ne peux pas tout savoir, mais je ne suis pas convaincu que ceux qui ont voté pour Mélenchon se reporteront tous sur Marine. Mais t'as vu que Mélenchon, pour l'instant, la joue fine, c'est-à-dire qu'il veut consulter ses électeurs. Hamon a appelé à voter Macron immédiatement, comme une belle salope, là, antifasciste, quoi. Fillon, pareil, qui s'est fait tuer par Macron, appelle à voter pour lui, ça y est, c'est fait. Le seul, pour l'instant, qui refuse de se laisser tordre le bras, c'est Mélenchon. Disons qu'il est plus malin, peut-être. Non, mais c'est quand même une différence. S'il avait appelé immédiatement à faire barrage au fascisme... Mais Fillon sait qu'il n'a plus de carrière politique, c'est fini, c'est juste pour pas avoir d'emmerdement après. D'accord, mais Mélenchon, lui, joue sa carte personnelle, genre, je n'appellerai pas automatiquement dès ce soir à voter Macron. C'est le seul. Il pèse 19% hein, quand même, le Mélenchon. Je me demandais ma première analyse véritablement. Comme ça, je me dis, tiens, la France est toujours égale à elle-même depuis 1980. Elle est en dehors de l'histoire. Complètement. Je me souviens, à l'époque, il y avait Margaret Thatcher en Angleterre. Il y avait Reagan aux États-Unis, qui étaient des ultra-libéraux. Et nous, on avait un Mitterrand qui voulait faire la rupture sans la faire tout en la faisant. Et là, maintenant, quelques décennies plus tard, toujours en dehors de l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un Poutine qui est quoi, véritablement un libéral protectionniste. On a Trump, qu'est-ce qu'il est? Un libéral protectionniste. Je te parle quand même de la Russie et des États-Unis, hein, je ne parle pas de n'importe quoi. Malheureusement, ça pèse. Hein, on a Erdogan aussi, là, qui vient de gagner son référendum. Erdogan, bien sûr, mais c'est sans vouloir dévaloriser ni la Turquie ni Erdogan. Dans la géopolitique internationale, les États-Unis et la Russie ont un poids qui est important. Clair. Et en ce moment, qu'est-ce que fait la France? Eh ben, on a un Fillon qui dit qu'il est le fils de Madame Thatcher. Et c'est vrai. Alors on a toujours une guerre de retard, on fait 14 en 40, bah c'est la France. Et on a quoi? Bah on a Fillon qui nous dit on va tout déréguler enfin comme le voulait Reagan. Voilà. Bon bah. Ah, on a Marine Aina Beaumont qui va causer, je crois, là, non? Élection présidentielle. J'en mesure l'honneur avec humilité et reconnaissance. Je voudrais vous exprimer à vous, électeurs patriotes français, ma plus profonde gratitude. La première étape qui doit conduire les Français à l'Élysée est franchie. Ce résultat est historique. Il fait reposer sur moi désormais la responsabilité immense de la défense de la nation française, de son unité, de sa sécurité, de sa culture, de sa prospérité et de son indépendance. Il s'interprète également comme un acte de fierté française, celui d'un peuple qui relève la tête, celui d'un peuple sûr de ses valeurs et confiant en l'avenir. Il n'a échappé à aucun Français que le système a cherché par tous les moyens, même les plus contestables, à étouffer le grand débat politique qu'aurait dû être cette élection. Ce grand débat va maintenant, enfin, avoir lieu. Les Français doivent saisir cette opportunité historique qui s'ouvre, car le grand enjeu de cette élection est la mondialisation sauvage qui met en danger notre civilisation. Les Français ont un choix très simple. Soit nous continuons sur la voie d'une dérégulation totale, sans frontières et sans protection, avec comme conséquence les délocalisations, la concurrence internationale déloyale, l'immigration de masse, la libre circulation des terroristes. Ce règne, c'est celui de l'argent roi. Soit vous choisissez la France, des frontières qui protègent nos emplois, notre pouvoir d'achat, notre sécurité, notre identité nationale. Vous avez donc le choix de l'alternance, la vraie. Pas celle qui a vu des gouvernements se succéder sans que rien ne change. Celle que je vous propose, c'est la grande alternance. L'alternance fondamentale qui mettra en place une autre politique, d'autres visages au pouvoir et le renouvellement auquel vous aspirez. Ce n'est évidemment pas avec l'héritier de François Hollande et de tous les échecs de ce quinquennat catastrophique que cette alternance tant attendue viendra. Il est temps désormais de libérer le peuple français, tout le peuple, sans oublier nos compatriotes d'outre-mer qui ont exprimé à mon égard une confiance qui m'honore. Il est temps de libérer le peuple français d'élites arrogantes qui veulent lui dicter sa conduite, car oui, je suis la candidate du peuple. Je lance un appel à tous les patriotes sincères, d'où qu'ils viennent, quelles que soient leurs origines, quel qu'ait été leur parcours et leur vote au premier tour à me rejoindre. Je les appelle à sortir des querelles périmées, des a priori et des ressentiments parce qu'il y va de l'intérêt supérieur du pays. C'est l'essentiel, vraiment l'essentiel qui est en jeu, la survie de la France. Je les appelle à l'unité nationale. Derrière notre projet de redressement, nous les accueillerons fraternellement. Le 8 août 1943, le général de Gaulle le rappelait à Casablanca, la grandeur d'un peuple ne procède que de ce peuple. C'est ce principe qui, durant les 1500 ans de son histoire, a façonné la France que nous aimons. C'est ce principe que je mettrai en œuvre. Le rassemblement du peuple français auquel chacun aspire ne peut se faire qu'autour de l'amour de la France. Vive le peuple français, vive la République, vive la France. La République, elle aurait pu s'en passer, mais... Chers auditeurs, nous sommes de retour sur RFM en direct. Nous avons avec nous sur le plateau Youssef Indy. Youssef Indy, bonsoir. Bonsoir Vincent Lapierre, bonsoir à tous. Je vous rappelle, chers auditeurs, que nous sommes toujours avec Serge Ayoub. Encore, oui. Et un camarade, Hugo. Qui vient de nous rejoindre. Hugo, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous avons vu la déclaration il y a une dizaine de minutes de Nicolas Dupont-Aignan. Youssef Indy, vous l'avez vu ? Non, je ne l'ai pas vu, parce que j'étais en chemin. D'accord. Alors, il déclarait qu'il consulterait ses électeurs pour savoir quelle consigne de vote donner, mais qu'il allait se prononcer, qu'il allait donner une consigne de vote malgré tout. Mmh. Je pense, de toute manière, quoi qu'il arrive, quasiment la quasi-totalité des voix de Nicolas Dupont-Aignan vont se reporter sur Marine Le Pen au second tour. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est par rapport à Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai qu'il a fait une progression énorme entre 2012 et cette élection-là. Ce qu'il faut souligner, c'est que Jean-Luc Mélenchon a tout fait pendant cette élection pour gratter, on peut dire, des voix à Marine Le Pen. En 2012, j'ai regardé les statistiques et la cartographie. Jean-Luc Mélenchon a fait essentiellement, son électorat est essentiellement fonctionnaire et dans la zone géographique qui n'est pas la zone géographique traditionnelle de la gauche. En fait, c'est la zone traditionnelle de la droite. Et c'est Marine Le Pen, en 2012, qui a fait, Marine Le Pen, les voix de Marine Le Pen sont majoritairement dans le bastion traditionnel et historique de la gauche. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est la progression qu'a opéré Jean-Luc Mélenchon entre 2012 et 2017, ça doit correspondre à une partie de l'électorat ouvrier de Marine Le Pen qui pourrait donc se reporter sur Marine Le Pen au second tour. Serge, vous validez cette analyse. Les ouvriers ont voté pour Mélenchon et pourraient se reporter au deuxième tour sur Marine pas Le Pen. Pas tous les ouvriers, pas tous. À l'heure actuelle, j'ai pas de certitude, hein, mais... si elle ne fait pas une déclaration directement sur la loi El Khomri, il n'y aura rien. Parce que l'ouvrier, il est réaliste. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui arrange son quotidien et il a raison. Voilà. Alors évidemment, le terrorisme, il y en a marre. Et évidemment, la délinquance, il y en a marre. Et évidemment, les migrants, il y en a marre. Mais en fin de compte, au quotidien, si je suis dérégulé, si je travaille trois fois plus, si je pars à la retraite à 87 ans, ça me plaît pas. Et c'est le vrai combat, il est là. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait Mélenchon. Mélenchon, il a dit que si... il est arrivé au pouvoir, la loi El Khomri dégagerait. Il faudrait, à mon avis, que les déclarations de Marine, de ce point de vue-là, soient plus nettes. D'accord, donc il faudrait que Marine appuie sur la gauche du travail. Hugo, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, ça c'est évident qu'il faut qu'elle s'intéresse plus à la gauche du travail que la fin de sa campagne de premier tour, on l'a laissé penser. Après, si on fait un peu de mathématiques, on se rend compte que par rapport au score des régionales qui est son plus haut historique, enfin qui est le plus haut historique pour le FN, elle perd 5 points. Ces 5 points, c'est ceux, à mon avis, de Dupont-Aignan, qui, pour moi, a fait une bonne campagne. Il était rien dans les régionales, bah parce qu'en fait, c'est pas son créneau. Tout son mouvement Debout la France, elle se porte sur sa personnalité à lui, donc sa seule chance pour exister c'était les présidentielles. Il a bien joué son coup, il a joué et à mon avis il s'est radicalisé par rapport à ses propositions précédentes, notamment il a parlé énormément de démographie, il a même un petit peu flirté avec les notions de grand remplacement, et à mon avis ça a dû séduire une partie de son électorat, enfin une partie de l'électorat de Marine ça a fait des points quoi. Ensuite sur Mélenchon, je suis pas sûr qu'il ait piqué tant de voix que ça chez les ouvriers à Marine. Faudra voir un petit peu comment ça se passe, parce que c'est intéressant. Précise, ouais. Mais si on regarde les rapports de force électoraux, on peut se dire qu'en fait, une partie des anciens électeurs de Sarkozy et une partie des électeurs de Hollande sont allés sur Macron. Ça fait à peu près un peu moins que Hollande, ça fait 4 points de moins que Hollande en 2012. Et puis le reste de Hollande, c'est un petit peu à Mons, surtout Mélenchon. Mais Mélenchon, c'est essentiellement des déçus du hollandisme. Hein. Faut pas oublier quand même qu'il y a quand même une vraie gauche dans ce pays, qui sont virulemment antifascistes, et du coup, ils allaient certainement pas voter pour un parti de droite. Donc, ils sont portés sur celui qui faisait une meilleure campagne à gauche. Celui qui faisait une meilleure campagne à gauche, c'était Mélenchon. C'est pour ça qu'il est à 19. Serge Ayoub. Oui, autre chose sur le vote ouvrier, Mélenchon, le front de gauche et l'extrême gauche. Véritablement, l'extrême gauche, c'est quoi ? Des profs, des fonctionnaires, des élèves. Des étudiants. Des étudiants. C'est ça, le fonds de commerce. C'est le mec qui travaille pas, quoi. Voilà. Voilà, exactement. Non, ou surtout des gens qui sont dans un milieu un peu protégé, et tant mieux pour eux, ils touchent moins de salaire, ils ont un peu plus de protection. C'est pas attaquable, hein. Moi, je trouve pas que les fonctionnaires ne font rien, je le pense pas. Mais c'est surtout toute la jeunesse de cette extrême gauche, de ce front de gauche, sont des étudiants. Il n'y a pas d'ouvriers. D'ailleurs, je me souviens une fois, j'étais à la fac, à l'époque, j'étais un petit peu plus virulent. Je disais, c'est bizarre, vous tractez pour l'extrême gauche, vous luttez pour les ouvriers, mais moi, mes potes, ils aimeraient bien vous rencontrer. Ils aimeraient bien discuter avec vous, ils aimeraient bien même te tarter la gueule, tu vois. Mais on ne peut pas te rencontrer, on est au boulot. Qu'est-ce que tu fous là, mon bonhomme ? Qu'est-ce que tu fous là ? Comment tu arrives à 14h ou à 15h à être à la sortie d'une fac à tracter ? T'es pas au boulot ? Ah oui, t'es étudiant. Bah, on parle pas des ouvriers. Bah, en fait, Mélenchon, à mon avis, il a fait une bonne campagne, surtout parce qu'il a fait une campagne de geek. Il a été extrêmement bon sur les réseaux sociaux. Alors, c'est vrai qu'il y avait du monde quand même à ses meetings, ça faut en tenir compte, mais la grosse performance de sa campagne, à mon avis, c'est d'avoir tapé, l'électorat surinformé, très présent sur les réseaux sociaux. Ce que vient de dire Serge, c'est-à-dire l'étudiant, le jeune actif qui a des idées un peu extrême gauche, mais qui pense que ça va pas forcément percuter son boulot. Voilà, je pense pas que ce soit forcément l'ouvrier de Ford. Enfin, l'ouvrier de Ford, c'est Poutou. Enfin, soi-disant ouvrier de Ford. Mais l'ouvrier des grandes anciennes centrales ouvrières, je suis pas sûr qu'il ait migré vers Mélenchon dans des proportions telles, quoi. Après, il faudrait voir où est-ce que Marine a perdu des points. Pour moi, elle a plus perdu des points sur les bourgeois souverainistes qui ont bien aimé le discours de Dupont-Aignan et qui trouvent quand même, malgré tout, que le FN, ça pue encore un peu de la gueule à cause du passé, à cause des affaires, ou tout simplement qu'on était chaudés. Hugo, excusez-moi, je vais vous couper. On va donner la priorité au direct. On a une déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Ce soir, minuit. Bien sûr, d'ici là, médiacrates et oligarques jubilent. Rien n'est si beau pour eux qu'un second tour entre deux candidats qui approuvent et veulent prolonger les deux les institutions actuelles, qui n'expriment aucune prise de conscience écologique ni sur le péril qui pèse sur la civilisation humaine, et qui, les deux, comptent s'en prendre une fois de plus aux acquis sociaux les plus élémentaires du pays. Quoi qu'il en soit, et quel qu'il soit, lorsque les résultats officiels seront connus, nous les respecterons. Je ne saurais dire ni faire davantage à cette heure. Chacune d'entre vous sait en conscience quel est son devoir. Dès lors, je m'y range. Je n'ai reçu aucun mandat des 450 000 personnes qui ont décidé de présenter ma candidature pour m'exprimer à leur place sur la suite. Elles seront donc appelées à se prononcer sur la plateforme et le résultat de leur expression sera rendu public. Mon beau pays, ma belle patrie, et vous tous les gens, nous pouvons être fiers de ce que nous avons entrepris et réalisé. Nous sommes une force consciente et enthousiaste. Je vous appelle à rester groupés, à rester en mouvement et à être un mouvement. car les défis que nous avons nommés. Il n'aura pas le choix, il sera obligé de faire Macron parce que son électorat, c'est. Sans en cacher aucun ni aucune des difficultés qu'il soulève pour les régler. Ces défis restent à relever. Et ceux qui prétendent aujourd'hui à l'honneur de nous représenter tous ont déjà fait la démonstration qu'ils étaient incapables même de les penser. L'heure à venir et les jours qui viennent restent celles des caractères et de la conscience. Vous tous les gens, patrie bien-aimée, vous êtes un matin tout neuf qui commence à percer. Fidélité à la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Vive la République, vive la France. Vous êtes toujours en direct sur ERFM, donc sur le Facebook Live, hein, puisque nous avons subi une attaque sur le serveur ERFM. Je me trouve avec Serge Ayoub, Hugo, le camarade Hugo, et Youssef Indy. Youssef Indy, vous venez d'entendre la réaction de Jean-Luc Mélenchon au résultat. Hein, Jean-Luc Mélenchon qui se classe quatrième avec 19,3% des voix. Qu'en avez-vous pensé ? Jean-Luc Mélenchon n'a pas pu faire ce qu'il a fait en 2012, à savoir appeler à voter sans condition pour Rothschild. Il avait fait pour Hollande en 2012. Là, c'est pas possible. Pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, Mélenchon a voulu récupérer l'électorat du Parti communiste qui a fui vers le Front National progressivement à partir des années 80. Il sait qu'il n'avait pas réussi à le conquérir en 2012 parce qu'il n'avait pas fait une campagne radicale sur l'euro et le libre-échange. Il refusait de se positionner par rapport au libre-échange. Il ne voulait pas parler de protectionnisme. Et on voit que lors de cette campagne, il a parlé à demi-mot, enfin, il a fait des pas en arrière sur la sortie de l'euro, sur la sortie de l'Europe et en faveur du protectionnisme. Donc maintenant, c'est à Marine Le Pen de récupérer, je pense, cette partie de l'électorat qu'il a réussi à convaincre avec ce discours anti-euro, anti-Europe, faussement anti-euro, faussement anti-Europe et faussement pro-protectionniste. Donc tout l'enjeu de la campagne du second tour pour Marine Le Pen, c'est de se positionner comme étant la candidate de gauche face au candidat de droite qui est Macron. Hugo. Ouais, et la seule nuance, c'est qu'encore une fois, on ne sait pas dans quelle proportion il a piqué des voix à Marine Le Pen sur le terrain ouvrier. Et du coup, ce qu'on voyait dans les instituts de sondage qui analysaient le report de voix éventuel en cas de second tour sur les électeurs de Mélenchon, eh ben, pour le coup, les instituts de sondage ne sont pas tellement plantés en fait, dans leurs prévisions à cette élection, donc on peut peut-être un petit peu plus leur faire confiance. Bah, c'est qu'il y avait quoi, entre 15 et 20% de l'électorat de Mélenchon qui risquait de se reporter sur Marine. Pour moi, ça correspond à ce que Mélenchon a piqué à Marine, et du coup, bah, il n'a pas piqué grand-chose, et réciproquement, du coup, ça ne fait pas énormément de réserve de voix pour Marine Le Pen au second tour. Donc, à mon avis, elle va avoir intérêt à se positionner sur le terrain social face à Macron, parce que de toute manière, ça peut aussi brasser sur du Hamon, sur l'extrême-gauche, etc. Et puis, de toute manière, c'est sa cohérence aussi. Elle a tout intérêt à rester quand même un minimum cohérent par rapport à sa campagne de premier tour, et surtout par rapport à ce qu'est le Front depuis qu'elle est arrivée à la tête du Front. Pour autant, est-ce que ça fera la différence ? Et puis, elle va être obligée de faire le grand écart entre la volonté à la fois de séduire une partie de l'électorat de Fillon qui est très droitard, qui a peur de la sortie de l'euro, qui a peur de voir son pouvoir d'achat et son patrimoine baisser si jamais un extrémiste, entre guillemets, arriverait au pouvoir. Et puis, la volonté, effectivement, de fédérer le gros de ses troupes, qui est l'électorat populaire. C'est tout l'intérêt de séduire cet électorat droitard, par la droite des valeurs. Ah, mais est-ce que ça suffit ? Laquelle d'ailleurs elle s'est plus ou moins positionnée à la fin de sa campagne. Est-ce qu'il reste assez de valeur en France ? C'est la question. Parce que moi, les gens à qui j'en ai parlé, c'est beaucoup, putain, l'euro. Même mes collègues, ils me disent, putain, à la limite, Marine, pourquoi pas ? Ouais, l'immigration, c'est pas terrible, mais putain, sortir de l'euro. Ah, ça leur fait peur, ils sont cons. Chercher du Fillon et du Mélenchon en même temps. Ça va être difficile. Donc, la situation est assez compromise pour Marine Le Pen. Quelles sont les chances de Marine Le Pen de passer au second tour selon vous ? Est-ce que vous la voyez et dans quelles conditions gagner face à Macron ? Moi, personnellement, je suis pas très optimiste pour elle. Hein. Je pense pas qu'elle puisse passer la barre. Si elle passe déjà la barre des 40%, elle a de la chance. Ouais, 40%, c'est énorme. Ouais. Serge Ayoub ? Dans un premier temps, je reviens un peu sur Mélenchon. J'ai écouté un petit peu son laïus. Je l'ai trouvé égal à lui-même. Cet homme-là est un menteur. Cet homme-là, il ne faut pas l'oublier, a été quand même pendant 20 à 30 ans au Parti Socialiste. Hein, il a été à la gamelle. Cet homme-là a été ministre. Cet homme-là a lâché les CRS sur les ouvriers. Et cet homme-là, aujourd'hui, se permet de dire et mettre dos à dos le parti des grands patrons, hein, En Marche, je ne sais pas quoi, et le parti des ouvriers. Il se fout de la gueule du monde. Il ne faut jamais oublier que ça, cet homme-là est un escroc. Pour revenant, c'est simplement une... Il fallait que ça sorte. Voilà, c'est une émotion. C'est fait. C'est fait, ça me fait du bien. Sur le fait que Marine ait des chances au second tour, je ne suis pas convaincu. D'abord, il y a un problème de report des voix, évidemment, mais il y a surtout un autre problème, c'est que, et c'est ce qu'on en parlait, il y a une campagne, évidemment, c'est un programme. Le programme, ce n'est pas que l'immigration, ce n'est pas que la délinquance. C'est pas que le terrorisme, ça c'est facile parce qu'en ce moment, c'est pas une campagne, elle se fait toute seule. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Mélenchon, c'est de parler aussi d'économie, de social, d'énergie, d'écologie, enfin, c'est un vrai programme. Même plus que ça, c'est un grand projet, c'est un souffle. Et entre nous soit dit, j'espère que maintenant elle va le voir, son discours était bon, et j'espère qu'il y aura ce souffle. S'il n'y a pas ce souffle, ben, Marine ou pas, ça va retomber. Pierre Jovanovic vient de nous rejoindre. Pierre Jovanovic, bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous avez vu les résultats, hein, je vais les rappeler, 23,8% pour Macron, 21,7% pour Marine Le Pen, puis ensuite en troisième position Fillon, puis Mélenchon avec 19,8% et 19,2%. Quelle analyse portez-vous sur ces résultats ? Oh bah, mon analyse est très simple, c'est l'illustration du livre de Roger Gérard Schwarzenberg, L'État spectacle. C'est-à-dire que là, on a un candidat qui nous a été imposé par les médias. Et je rappelle que c'est la banque Goldman Sachs à Londres qui avait initié le premier grand rendez-vous pour le financement de la campagne d'Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, c'est une première parce que là, on a quelqu'un qui n'a jamais été élu et qui nous a été vendu. C'est le cas de le dire, par les médias rassemblés, tant et si bien que maintenant on a eu droit à des fake news, puisque vous avez vu que Facebook, juste 10 jours avant les élections, ont introduit le fameux bouton c'est une fausse nouvelle, hein, fake news, etc., hein, pour ne pas renouveler la même erreur qu'avec avec Donald Trump et le Brexit. Donc c'est la victoire en fait des multinationales et du système européen qui aujourd'hui, là, ils sont en train de déboucher le champagne. Là, ils font la fête. Et c'est la grande victoire également de Hollande. C'est vraiment sa plus grande, sa seule réussite au cours de ce quinquennat, d'ailleurs, Hollande, hein, d'avoir fait élire Macron. Pierre-Jean-Éric, je vous coupe. On va écouter Macron dans quelques minutes. Non, pas tout de suite. D'accord. Donc. Bon, chers auditeurs, apparemment, Macron ne va pas s'exprimer tout de suite. Là, il y a écrit Emmanuel Macron va parler sur BFM TV, mais il se fait attendre. Ils n'ont pas fini de lui écrire son discours. Jacques Attali qui fait sa princesse. Qui a la rédaction Jean-Louis avait raison de dire qu'on s'est fait voler, que c'est un acteur. Mais moi, je ne serais pas... c'est vrai, c'est plus qu'un acteur, parce qu'il n'est pas très bon acteur. C'est plutôt un figurant. Hein. Voilà, oui, trouvé, je ne vais pas être méchant, mais je ne vais pas trouver excellent. Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire quand même dans cette élection, c'est que les attentats, l'effet attentat d'il y a deux jours n'a absolument pas eu d'effet sur les voix de Marine Le Pen. Bien sûr, c'était vraiment hyper surprenant. Quoi. J'ai pas du tout compris. Hein, ni de Fillon qui a fait quand même. Ni de Fillon, mais surtout Marine Le Pen qui a fait une campagne là-dessus sur les fichiers S, etc. Oui, Fillon a fait une campagne là-dessus aussi et a écrit un livre sur le sujet. Vas-y. Et d'ailleurs, Barbier, lorsqu'il disait qu'un attentat ferait monter Fillon, on voit, oui, comme l'a dit Pierre Jovanovic, que ça n'a pas eu d'effet à quelques jours du premier tour. Les deux candidats qui font campagne contre l'islamisme, Fillon et Marine Le Pen, sont en échec relatif, puisque Marine Le Pen est au deuxième tour, mais elle n'a pas de dynamique, et François Fillon est tout simplement éliminé. Oui. Juste un mot, je l'avais dit en commençant, un attentat de ce genre ramène les moutons vers l'État existant, et non pas vers Marine, qui est un État quand même qui n'existe pas encore, qui signifie peut-être un peu plus de désordre. Donc le projet de cet attentat, moi je le trouve bien joué, parce qu'à mon avis il a rapporté des voix à Macron, qui est le fils spirituel de l'État d'urgence. Et vous parlez des attentats, mais il y a également la crise des migrants. qui n'a pas joué. Absolument. On a vraiment le sentiment en fait que là c'est le résultat d'une campagne de Marine Le Pen qui est quand même une sorte d'échec ou de semi-échec, clairement. Alors justement, ça pose la question de fond. Pourquoi la France se positionne-t-elle autant en porte-à-faux à l'égard des tendances qu'on observe dans le monde? Trump qui a été élu, Poutine en Russie et en France Macron. Pourquoi? Pourquoi en 40 on pensait comme en 14? Pourquoi en 40 on pensait comme encore comme en 14? Je ne sais pas. Ah oui, si, je le sais. Parce qu'en vérité, en France, c'est un pays. Nous vaincrons car nous sommes les plus forts. Oui, aussi. Mais en vérité, c'est un peuple de lions gouverné par des ânes. Voilà pourquoi. Et j'en suis convaincu, l'histoire de France, depuis le début de la monarchie jusqu'à aujourd'hui, le preuve. On est une preuve flagrante, et dans le monde entier. Ah bon, si on peut en discuter, 30 secondes, ça va aller très vite. Hein. Allez-y, je vous en prie. Ah ben écoute, c'est simple. Dernièrement, Seconde Guerre mondiale. Eh bien, 40, on s'est battu, on a perdu, ça arrive. Les Allemands ont bien perdu avant, et tellement plus que nous. Le premier peuple résistant d'Europe, avec les Yougoslaves, les Français. Dans le camp des vainqueurs, grâce à De Gaulle, encore les Français. Ceux qui ont évité d'être découpés en rondelles par les États-Unis, grâce à De Gaulle, les Français. Pas les Allemands. Déjà, c'est ça. En 14, on était là. 36, c'était nous. 1870, c'est la Commune. C'était nous. Personne d'autre. Les grandes idées politiques dans le monde, c'est la France. C'est personne d'autre. On peut critiquer les droits de l'homme, et c'est vrai que sur certains points, c'est critiquable, cette grande idéologie derrière. Mais c'est une pensée française. À l'heure actuelle, je vais résumer 30 secondes, quand un ministre américain, français ou n'importe quoi, je vais très vite. Faites vite, Macron arrive. Ouais, s'il arrive, je me dépêche alors. Va en Chine, on parle des droits de l'homme. Quand un président chinois vient en France, en Allemagne, ou je ne sais pas, ou en Zambie, on parle pas du confucianisme. Donc la France est importante. La Révolution française a révolutionné le monde, pas uniquement la France. Voilà. Chers auditeurs, nous allons écouter l'allocution d'Emmanuel Macron qui arrive sur scène actuellement. J'ai entendu vos aspirations à l'alternance véritable, à la vitalité démocratique, à l'exigence écologique et économique. Pour construire un avenir possible qui rendra la France plus forte dans une Europe qui protège, j'aurai besoin de votre vote, j'aurai besoin de votre confiance. C'est dit, il est moins mauvais, hein, aujourd'hui, que c'est son meilleur discours, hein, comme il dit. J'œuvrerai, mes chers compatriotes, dans les 15 jours qui viennent, pour que nous puissions, ensemble, rassembler le plus largement possible autour de ma candidature. C'est bonne trouvaille, hein. La force de ce rassemblement sera déterminante pour présider et pour gouverner. Le défi, à partir de ce soir, n'est pas d'aller voter contre qui que ce soit. Bien sûr. Le défi est de décider de rompre jusqu'au bout avec le système qui a été incapable de répondre aux problèmes de notre pays depuis plus de 30 ans. Le défi est d'ouvrir une nouvelle page de notre vie politique et d'agir pour que chacun, avec justice et efficacité, puisse trouver sa place en France et en Europe. C'est cela notre défi. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, je veux dès à présent construire une majorité de gouvernement et de transformation nouvelle. Elle sera faite de nouveaux visages, de nouveaux talents. Chacune et chacun peut y avoir sa place. Je ne demanderai pas à ceux qui me rejoignent d'où ils viennent. Mais s'ils sont d'accord pour le renouveau de notre vie politique, pour assurer la sécurité des Français, pour libérer le travail, pour refonder l'école, pour permettre à chacun de progresser dans la société, d'où qu'il vienne, et pour relancer la construction européenne. En fait, c'est une magnifique entreprise de sodomisation. C'est une sodomisation politique en tout cas, oui. Mais prenez dès ce soir la part du risque qui vous revient pour me rejoindre ainsi que la majorité parlementaire que je construirai dès demain. Déjà sur les législatives. Oui, bah c'était partie du projet. Là, mes chers concitoyens, voilà, il va rassembler tout vous l'avez PS, fait. MP, etc. Vous nous avez porté. Vous avez montré qu'il n'y avait dans notre pays aucune fatalité. Vous êtes ce visage du renouveau. Vous êtes ce visage de l'espoir français. Celui que dans 15 jours, je veux faire gagner. Mes chers concitoyens, il n'y a pas plusieurs France. Il n'y en a qu'une. La France, la nôtre, la France des patriotes, dans une Europe qui protège et que nous aurons à refonder. La tâche sera immense. J'y suis prêt, à vos côtés. Ceci dit, il va falloir gouverner après. Hein. Il va falloir gouverner, il va falloir continuer à défoncer. Le combat pour être digne de conduire notre pays commence ce soir. Et nous le gagnerons. Il va commencer à gouverner. Hein. Vive la République! Vive la France! Emmanuel Macron qui arrive donc en tête ce soir à l'issue du premier tour d'élection présidentielle avec 24% des voix devant Marine. Marine qui va jouer sur une ligne radicale et dure parce que sinon elle a plus le choix. Un seul à la fois s'il vous plaît. Donc le discours d'Emmanuel Macron vient de se terminer. Hein, on l'a vu définir les grandes lignes de sa campagne de second tour. Patriote contre nationaliste. Alain Soral, votre réaction? Eh ben, c'est tordre la logique et le sens jusqu'au bout et arriver à dire qu'il est à la fois le candidat du système et de l'antisystème, qu'il est le candidat des patriotes mais antinationaliste, qu'il est le candidat de la France mais dans l'Europe, en fait c'est le ratissage le plus large possible par le sophisme maximum. Hein. Donc c'est un magnifique discours de leçon d'enfilage politique et il est écrit de manière, on dirait pas ce qu'il a été écrit sur ordinateur. C'est-à-dire qu'il n'a rien négligé. Il a même parlé des écologistes, il a parlé des handicapés, si vous regardez bien, il a parlé des LGBT, avec des mots clés même. Et surtout, il a nommé tous les autres sauf Marine. C'est-à-dire que Marine n'existe pas et il couvre la totalité du champ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de ne pas voter pour lui car il est à la fois la gauche et la droite, il est à la fois la nation et l'Europe, il est à la fois l'homme et la femme d'ailleurs. Et c'est effectivement c'est le parti. On arrive au. C'est une la dictature orwellienne, je crois. Hein, c'est ça. C'est le parti unique. Et qui nous est présenté par un gendre idéal, parce que c'est quand même ça. Qui d'ailleurs a épousé sa mère, qui est quand même sa maîtresse d'école là. Et c'est vrai que. Nous, on croyait que c'était pas possible. On croyait que c'était pas possible un truc comme ça. Et on est en train de prendre une leçon de réel ou d'effondrement du réel. Effectivement, qui nous permet de mesurer ce qu'est aujourd'hui le peuple français, quoi. Ça marche là ? Non, on n'est plus en direct. Là, on parle. Merde, j'étais bon pour une fois. Par contre, ça a enregistré. C'est dommage là. On est dans la dissidence authentique maintenant. Ah oui, là c'est clair qu'on est rentré dans le bunker. C'est le bunker. Là c'est la résistance. Là, c'est rien de long. Ouais, mais quelque part c'est intéressant. Direct là. Chers auditeurs, nous sommes de retour sur ERFM en direct hein, sur le Facebook Live puisque je le rappelle, nous avons subi une attaque sur nos serveurs. Alors il y a de l'ambiance puisque nous sommes nombreux dans le studio d'enregistrement, mais je me trouve toujours avec Pierre Joanovic. Pierre Joanovic, vous avez entendu le discours de Macron? Oui. Qu'en avez-vous pensé? Comme d'habitude, ces discours, c'est pensée printemps, tout le monde est heureux, c'est le rassemblement, c'est les papillons qui se posent sur le bout de son nez. Enfin bon, je veux dire, c'est le truc gentil. Macron, c'est vraiment le candidat gentil. En apparence. Oui, en apparence, mais peu importe. C'est en tout cas, c'est exactement ce que le système, médiatique nous a imposé. Avec, je vous rappelle, 70 couvertures, 70 unes de magazines pendant les sept derniers mois, quand même. C'était absolument énorme. Plus la chaîne BFM Télé qui était derrière lui en permanence, tant et si bien que des candidats se sont même énervés en direct face à Bourdin, par exemple, ou même à d'autres, en disant votre chaîne roule pour Macron. Enfin bon, mais il y a le groupe de Claude Perdriel, l'ancien propriétaire du Nouvel Observateur. Il y a le Nouvel Observateur lui-même, le groupe Le Monde, Pierre Berger-Niel, etc. Pigasse, banquier, je rappelle, donc qui appartient, Le Monde appartient aussi à un banquier. Donc on voit qu'aujourd'hui, celui qui contrôle les médias et surtout qui a réussi maintenant à contrôler les réseaux sociaux, ce qui est le cas en ce moment, on l'a vu au cours de ces 15 derniers jours, avec les fameuses fake news, ne croyez pas tout ce que machin, etc. On rentre dans un monde très très orwellien finalement, avec le parti unique de Macron, puisque la gauche et la droite va être rassemblées autour de lui, donc c'est le parti unique, avec un langage qui va être un langage très anesthésion, c'est la grande spécialité de Macron, c'est-à-dire que vous entendez ça et on s'endort. Avant une opération, vous entendez un truc de Macron et après on peut vous faire une opération chirurgicale. J'ai noté une phrase de son discours. Que pensez-vous de l'alternance véritable pour construire un avenir possible? Oui, non, mais il y a un humoriste qui avait fait justement ça en inversant les mots, en les tirant au hasard, etc. C'est tout à fait ça. Non, mais on reconnaît bien Macron là, dans cette phrase. Non, là, c'est vraiment le monde de Bambi. Voilà. Si je résumais ça, c'est Bambi dans son petit jardin avec les petites fleurs et le papillon là, qui se pose sur le bout de son nez, sur son museau. Voilà. Donc, c'est Macron. C'est Macron-Bambi. Voilà. On est dans un monde idéalisé où la réalité, la triste réalité du chômage, des banques qui sont en train de littéralement de raser les gens et de ruiner, de voler toute leur retraite. Mais ça, on n'en parle pas. Tout va bien. Et en plus, c'est un banquier qui va devenir sans aucun doute président de la République. Donc, ils vont pouvoir voler les gens autant qu'ils veulent. Non, mais c'est extraordinaire. Je pense que si on avait quelqu'un avait écrit un roman comme ça, de science-fiction, d'anticipation, on ne l'aurait pas cru. Et pourtant, vous voyez que la réalité, elle est plus forte que la science-fiction, quelque part, avec Macron. La réalité dépasse la fiction. Oui, la fiction, surtout. Et en même temps, chers invités, je vous pose la question, est-ce que finalement, l'élection future, prochaine, probable, d'Emmanuel Macron n'est-elle pas une bonne nouvelle, les meilleurs espoirs pour une révolte possible? Son élection, si elle se produit, prouve que toute possibilité de révolte, finalement, passe du possible au périmé, puisque, visiblement, ce personnage, c'est un processus de destruction de la raison, de destruction de la conscience. Déjà, la conscience politique était tombée bien bas, avec des Sarkozy et des Hollande, qui sont le niveau zéro de la conscience. C'est-à-dire, le dernier élu, il est élu grâce à une femme de ménage américaine. Et lui-même, il s'est comporté comme un vulgaire valet. Mais là, nous avons, on pensait avoir touché le fond, mais là, nous descendons encore une marche, parce que nous sommes dans la destruction, y compris de la logique de la raison, puisque le président de la France peut se permettre de dire des phrases à la sapeur camembert, là, dont tu viens de citer. Le sapeur camembert. Un patriote antinationaliste. Voilà, un patriote antinationaliste. La distorsion des concepts, c'est des procédés de féminisation, pas au sens de femme, mais au sens de féminisation, c'est-à-dire de la polarité strictement matérielle de la pensée. Il n'y a plus de raison. Et malheureusement, je me répète pour vous, mais pas peut-être pour les auditeurs, puisqu'il en est à chaque instant, visiblement. Hein. Ce que je disais en commençant, ce golden boy, ce trader, cet employé de banque au service du grand capital, sera, de par ses propres forces, incapable de faire passer sa politique de destruction des acquis. Et moi, ce qu'il me fait me souvenir, c'est Pinochet, qui a été élu par des gens comme lui. Enfin, élu, excusez-moi. Les Chicago Boys, mis en place, financés par les Chicago Boys, qui étaient des types des années 70, des traders comme lui, des gars qui sniffaient de la coke, qui écoutaient les Rolling Stones, hein, très à la mode, mais qui ont foutu en Amérique latine la pire dictature qui puisse se concevoir, hein, puisqu'on parle toujours du fascisme, c'est Hitler, mais il y a eu pire, il y a eu Pinochet, hein, avec castration, énucléation, rat dans le vagin, 130 000 ouvriers mis dans un stade qui ont été massacrés, etc., etc. Et moi, je dis, c'est ça, l'avenir. Derrière Macron, je vois ça. Il n'a pas tort. Pour l'instant, on a droit à un gentil organisateur du Club Med pour nous faire passer effectivement une dictature financière. Si jamais ça suffit plus, derrière, effectivement, c'est la schlag. Hein. C'est clair. Donc, on est de ce point de vue-là, on est encore en démocratie, je dirais. C'est-à-dire que c'est encore en douceur. On est encore en rigolade. Et on a quand même un parti d'opposition nationaliste qui va être obligé d'être absolument radical, qui va être au moins à 35%. Donc, c'est quand même des forces. Et une marine qui ne va pas pouvoir être dans la dédiabolisation ou le politiquement semi-correct, hein, parce que là, on est dans le frontal, on est dans le radical. D'ailleurs, elle a été niée par Macron. Hein, donc, il n'y a pas de dialogue. Hein, il n'y a pas de dialogue possible. C'est la guerre, je dirais. Et nous, on est l'avant-garde de cette résistance. Et on est aussi ceux qui avons toujours dit que la dédiabolisation, le politiquement correct, ne servirait à rien. Marine a fait des concessions gigantesques pour gagner 4 points sur 5 ans. Hein. Alors que finalement, Mélenchon, qui a durci son discours sur une ligne assez proche de la nôtre, a fait un bond de 11 à 19. Ouais. Hein. Ouais. Donc, l'air de rien, Marine est quand même au deuxième tour avec un score assez bas de 22 parce qu'elle est vraiment dans le sens de l'histoire. Elle a tout eu pour elle, les attentats, les migrants, etc. C'est un échec, c'est ce qu'on disait. Oui, non, mais elle est quand même au deuxième tour parce qu'elle est réellement dans le sens de l'histoire, quoi qu'elle fasse. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les événements qui l'ont amenée au deuxième tour, alors que Macron, c'est de l'ingénierie sociale de très haut vol. Ouais. Mais, quelque part... comme je l'ai dit, son anti-islamisme radical n'a pas porté ses fruits. Avec Wilders, on savait déjà, pourtant, alors que les Hollandais sont bien plus racistes que nous, que c'était pas gagnant. Et on voit qu'en France, ça l'est encore moins, puisque le Hollandais est bien plus raciste que le Français traditionnellement. Et que ça valide quand même ma ligne. C'est-à-dire que, un, il est certain que le salut du Front National est à gauche, enfin de la gauche sociale. Hein, c'est le parti de gauche aujourd'hui, par rapport au vrai parti fasciste moderne. En fait, vous êtes tous en train de vous rapprocher de la ligne Mélenchon. C'est Mélenchon qui s'était rapproché de nous. Ou Mélenchon de vous, c'est comme tu veux. Oui, peu importe, mais ce qui est intéressant, oui, c'est que vous êtes en train de vous êtes plus sur la ligne. Non, mais c'est-à-dire que on est non seul, on est, je dirais, des gens qui sont positionnés à l'avant-garde du parti d'opposition qui s'appelle le Front National. Aujourd'hui, il y a deux partis, il y a le parti unique et le parti d'opposition. Et on est quand même l'avant-garde de ce parti d'opposition. Son aile gauche. Et on est capable. Et j'ajoute, on est capable de mettre autour de cette table pour discuter des élections, à la fois Serge Ayoub, Jovanovic, Youssef Indy, on est les seuls à pouvoir faire ça. C'est-à-dire, c'est la résistance française. C'est le CNR, ce soir. Ce qu'on fait, c'est le CNR. Ouais. C'est le Comité National de la Résistance, où tu as des maurassiens, des gaullistes, des communistes qui se disent qu'ils doivent s'unir absolument pour chasser les boches. Hein. Et les boches, c'est la finance. C'est Macron. Hein, voilà. Ouais, donc, on peut basculer dans un certain optimisme parce qu'on est dans le vrai romantisme de la dissidence au sens soviétique du terme. Hein. Est-ce que Mélenchon demander à voter pour Macron non, deuxième non, tour. Non. Alors c'est ça qui est intéressant. Parce que j'étais dans la voiture. S'il veut sauver son avenir, il y en a deux qui ne peuvent pas le faire, à mon avis, parce qu'ils veulent sauver leur avenir politique. C'est à gauche Mélenchon, qui ne donnera pas de consigne de vote, mais qui dira chacun sait ce qu'il doit faire, mais il ne dira pas je vote Macron. Et Dupont-Aignan a dit qu'il allait réfléchir et consulter, mais qu'il prendrait ses responsabilités et qu'il donnerait une consigne. Et je ne vois pas comment. Dupont-Aignan peut appeler à voter Macron, parce que sinon il se dissout. Il se dissout tout seul. Donc ce qui veut dire qu'il y a Asselineau. Non mais Asselineau, il est inexistant. 0,8. De 0,8. Inexistant de Hazel. Attends, j'ai eu tous les trolls pendant 6 mois. Non, mais moi aussi. Il allait faire la grande surprise, genre 8%. Non, il allait passer dès le premier tour. 0,8%. Oui, non, mais là, ou alors, là vous avez eu la crème de la crème. Là. Moi j'ai dit monsieur 1%, j'ai encore surévalué de 0,8. Moi j'ai dit 2, maximum 2. Donc c'était. Bon, au moins. Ce qu'on peut dire, si on revient à la longue durée, c'est que depuis les années 70, la gauche et la droite ont fusionné idéologiquement. Oui, le libéralisme libertaire. Hein. Exactement, ils ont fini par fusionner. Maintenant, on avait jusqu'à hier un parti monopode et bicéphale. Maintenant, il est monopode et monocéphale. Oui, c'est clair. Voilà, c'est clair. C'est ça. Et maintenant, on a en face Marine Le Pen qui voulait jusque-là être dédiabolisée. Mais de fait, elle va devoir se radicaliser. Et tu parlais elle doit être claire et nette sur ses positions. Et comme on disait hier, elle va devoir désigner l'ennemi, mais de manière plus précise. Exactement. Et plus profonde. Voilà. Et ça, c'est pas gagné. Et ça, c'est bien pour nous, parce que c'est nous qui insufflons cette ligne. C'est la ligne à laquelle on croit, et finalement, elle va être obligée d'y venir. Elle n'a pas le choix. Ouais. Ou alors, elle renonce. Hein. Et si elle veut faire 35, ça sera pas en tortillant. Hein. Moi, je pense qu'on va dire qu'elle peut faire 35. Ouais. Son père avait fait 18, rappelez-vous. Et ben, si elle fait 35, l'histoire, c'est long. Hein. Et ben, ça veut dire qu'entre. Il avait fait 18. 18 et 82 pour. En 82, en quelle non, année, en quelle non, année non, en 2002. Voilà, 88 pour. Donc, 82 pour Chirac. Elle va faire le double, elle va faire deux fois plus que son père. Ouais. Combien d'années après? Bah, 15 ans après. 15 ans après, 15 ans. Voilà. Bah, oui, mais c'est ça l'histoire, c'est long. C'est long. Quand on parlait hier de Chavez, il a eu 15 ans pour créer une économie diversifiée dans un pays, il faut minimum 50 ans pour le faire. Donc, il ne pouvait pas. Ce que je disais d'ailleurs hier lors de la conférence, je pense que tu as validé, c'est que le Front National est historiquement la résultante du rejet des grands partis. Comme certains l'avaient remarqué, quand Jean-Marie Le Pen était absent de certaines élections, l'électorat du Front National était dispersé. En fait, le Front National, sociologiquement, est un agrégat des résidus des partis dominants en décomposition. Donc, le Front National est foncièrement un parti dont la base sociologique est une base qui rejette en fait le système. Donc, en fait, passer de 18 à 35, ça veut dire 35% des votants, 36% qui rejette le système de manière radicale. C'est pas un vote d'adhésion. J'ai toujours dit que la masse critique, je dirais, pour peser réellement contre le système de manière à le contester, c'était la barre des 30-35%. Ouais. On y est, donc ouais. Ça c'est positif. Alors, si Marine est sur la ligne vraiment radicale. Et surtout, le système a été obligé de fusionner ces deux partis. Oui. Il a été obligé de fusionner officiellement la gauche et la droite pour pouvoir faire front au front. Oui. Hein, ça s'appelle Macron. Sinon, il disparaissait. Voilà. Le PS a disparu. Oui. Bah oui. En fait, si je vous résume... Résume tout ce soir, le grand vainqueur, enfin, entre guillemets, c'est Mélenchon de cette élection. Non, c'est-à-dire qu'il a une position d'arbitre, il existe. Ah bah oui, c'est celui qui fait les rois. Oui, oui, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de nous inscrire dans un combat pour la France, et ça veut dire que on est à l'avant-garde de la résistance. Voilà, c'est part. Et le combat commence en réalité avec ce rapport de force 65-35. Alors, pas désespéré. Information un peu triste qui vient de tomber. Sens commun, donc une émanation politique de la Manif pour tous, qui s'était engagée auprès de François Fillon, ne choisit aucun des deux candidats pour le second tour. Bah, c'est pas si mal. Qui dit ça? Ah, ils appellent pas à voter Marine Le Pen. De qui parle-t-il? La Manif pour tous. Ah. Frigide Bourgeois. Oui, mais on peut pas s'attendre à plus de la part de la bourgeoisie. C'est minable. Non, mais c'est des parents catholiques de la bourgeoisie. Mais c'est des pas rejoignables. Oui, c'est comme ça qu'on a fait pendant des années. Ne pas rejoindre Macron. Techniquement, c'est un appel à voter Marine. Ça dire sans le dire. Pas du tout. Si, parce que quand le système tord le bras à tout le monde pour appeler à voter Macron et que tu dis « je ne dis rien », oui, quelque part, c'est que tu refuses de collaborer, quoi. C'est déjà passé. Historiquement, sur la longue durée, la bourgeoisie est véritablement la catégorie parasite, puisque c'est elle, avec les juristes, qui vont produire la Révolution française. Au XVIIIe siècle, ils étaient voltairiens. Caillou est parti, parce que. Au XVIIIe siècle, ils m'auraient encore gueulé dessus, empêché de parler. Au XVIIIe siècle, ils étaient voltairiens. Au XIXe siècle, ils reviennent au catholicisme parce qu'ils ont peur de perdre leurs acquis. dans les années 60, mais il se décatholicise et il vote Parti Socialiste. Donc ce y a sont une très belle phrase de, dans une, non, le perfide citant de Gaulle qui sait qu'il parle de la bourgeoisie. Cette classe qui n'existe pas, cette fausse classe, tu sais, ouais, c'est ça. Je pense pas que la classe de l'inauthenticité. Ouais, oui, non, je veux dire, je pense pas que ça se passe comme ça. Je pense que la putréfaction du capital qui est arrivée à son stade complètement décomposé fait que finalement la bourgeoisie elle-même est l'ennemi de l'oligarchie financière. C'est qu'avant la lutte des classes, elle se définissait. Il y avait bourgeoisie, classe ouvrière, si tu veux, grosso modo. Alors toi, tu veux dire la bourgeoisie traditionnelle est devenue la victime. Oui. De, mais en fait, voilà. La bourgeoisie, elle mute. Voilà. Là, on parle de la grande bourgeoisie dominante, c'est-à-dire le capitalisme financier, transnational, parasitaire, de destruction du capital pour des rentes rapides. Parce qu'on est, et même l'électorat de Fillon qui vote contre la bourgeoisie, ses propres intérêts. Depuis des années, c'est la finance contre le travail. Oui. C'était déjà le constat que faisait Henry Ford dans le Juif international, où il disait la finance, c'est pas une métamorphose de la bourgeoisie. De l'entrepreneur, quoi. C'est un rapport différent entre les classes. Oui, alors est-ce que c'est l'essence de la bourgeoisie? Non, la bourgeoisie dont tu parles, c'est celle qui vote Fillon. Et c'est celle qui se fait défoncer. Bien sûr, je veux dire, la bourgeoisie. Elle vote contre son propre intérêt. Oui, c'est-à-dire que c'est. La bourgeoisie de province a perdu. Oui, bien sûr. Mais clairement. Elle aura l'impression de s'être fait voler et c'est. Elle qui détient la. Il faudra la qu'elle clé un jour elle rejoindra les patriotes. Bah oui, parce mais là en l'occurrence, elle. Mais pour l'instant, pourquoi elle le fait pas? Parce que moi, je peux te parler de ma belle famille. C'est de la bourgeoisie de province, c'était les patrons de PME. Ils ont été bouffés par des grands groupes. Mais en étant bouffés, ils ont vécu de la rente. Mais la rente, c'est pour les parents. Les enfants, déjà, eux, sont retournés dans le salariat, mercenaires du salariat. Après, il n'y a plus rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on est dans cette période encore où la bourgeoisie filloniste serre les fesses et se dit qu'ils ont encore 20 ans à vivre et qu'ils ont quand même la maison de campagne qu'ils ont achetée dans les années 70 au moment des 30 glorieuses, et que les enfants peuvent encore bouffer en récupérant la vieille bagnole du senior, tu sais, de l'oncle ou du père, qui change de bagnole, lui, tous les 6 ans, et qui file sa bagnole qui a 6 ans, sa belle berline, à son gosse. Donc c'est vrai que c'est pas encore une classe révolutionnaire. Et ce sont ceux qui dégringolent encore un peu plus. Et vous serez peut-être d'accord avec moi, c'est ceux qui ne veulent pas renoncer à l'euro, c'est ceux qui ne veulent pas renoncer au libre-échange, et ce sont ceux qui ne veulent pas renoncer à l'Union Européenne. Donc ils votent contre leurs intérêts. Oui, parce qu'on leur a dit que ça serait encore pire, sinon, tu sais. Oui, cela dit. Il y a une chose qui est intéressante avec le vote Asselineau, qui, je ne sais pas quels sont les derniers chiffres. J'en ai fait 0,8 peut-être. Il a fait 0,8. Il n'a même pas fait 1%. Il est derrière la salle. Il est derrière la salle. Oui, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que la salle, personne ne comprenait ce qu'il disait. Ouais, il fait plus qu'Asselineau. Voilà. Il était sympathique et il représentait le terroir et la virilité française de la campagne. Il y a déjà les mecs de son village qui veulent. Exactement. Oui, je voulais dire que le vote d'Asselineau est très, très intéressant. Parce que tout le discours d'Asselineau, c'était pour le Frexit. Hein, c'est-à-dire, il fallait absolument. D'ailleurs, il a déchiré le programme le européen, etc., en direct. Et en fait, qu'est-ce que ça montre le vote Asselineau, 0,8%? C'est que les gens ne veulent absolument pas quitter l'Europe. Ils ne se rendent absolument pas compte de la destruction que ça. Enfin, les effets que ça a dans leur environnement, du moins pas encore. Je pense qu'il faudrait attendre peut-être 50 plus, hein, techniquement, grosso modo, pour que le nombre de chômeurs et le nombre de délocalisations amènent effectivement la classe moyenne n'est pas encore assez paupérisée pour que ça bascule. Voilà. Et ce sont eux qui ont voté Maastricht. C'est eux. L'anarchiste Malatesta prenait une allégorie. Il disait que quand un esclave qui a toujours eu des chaînes aux pieds, on lui propose de les enlever, il pense qu'il pourra plus marcher si on les lui enlève parce que c'est ce qui lui permet de marcher. Et c'est un peu ça l'idée. C'est que les mecs se disent l'Europe ça marche pas très bien, mais s'il y a plus d'Europe ça marchera plus du tout. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas Marine qui peut les contrer. C'est la caverne sur le économique. L'allégorie de la caverne de Platon. C'est la caverne. On maîtrise pas ce discours là. Donc effectivement, pour l'instant, ça va pas encore assez mal au niveau de la classe moyenne française. Il faut 2005, il y a quand même c'est pour traité constitutionnel. C'est incroyable, je pense. Vous appelez ça peu facilement. 2%. Avec son discours. Ah bah oui, 2005, ils ont dit non, les Français. Et il s'est ramassé. Mais si Marine a renoncé à sortir radicalement de l'Europe et de l'euro, c'est qu'ils ont fait des études d'opinion et qu'ils ont vu que c'était anxiogène. En fait, les Français n'aiment pas qu'on leur fasse peur. Et c'est pour ça que Marine voulait le faire en deux temps. Asselineau a dit non, Marine ne veut pas sortir. En fait, c'est parce qu'elle savait que ça lui ferait perdre des points. Et la preuve, c'est qu'Asselineau, sur le Frexit, elle n'a même pas fait 1%. Alors, ça veut bien dire que c'était c'est pas énorme. Alors, bien sûr, on en parlait hier dans les conférences, c'est que dans un système où il faut faire un grand pourcentage, c'est une courbe de Gauss, il faut séduire des gens, et ça passe pas par la raison. Hein, ça passe par la gestion de l'émotionnel. Donc parfois, quand tu veux sortir de l'Europe, faut pas dire que tu veux sortir de l'Europe. Tu vois, il faut. Il y a une stratégie du mensonge que t'impose le système électoraliste. Et en fait, c'est une technique de séduction. Mais j'avais fait ça. Asselineau a dit, moi, je vais le faire en direct sans ruser. Et ben, sans ruser, c'est 0,8. En rusant, t'es quand même à 22. Oui, c'est ça. Absolument. Grosso modo. Donc Asselineau est un con. Et en même temps, toute la réalité politique. Non, attention, il est énorme. Général des impôts. C'est contradictoire avec Trump, ça. Des finances en plus comme Macron. C'est pas le même temps, c'est pas le même tempérament. Trump est anglo-américain, pas justement français. L'énarque financier. J'ai l'impression que vous tenez pas compte de la réalité. Et Asselineau, à l'extrême droite, à 0,8. C'est fascinant, je trouve ça vraiment fascinant. Donne-moi la parole. Je voulais dire un mot quand même. En 2005, les Français ont voté un non massif. Enfin, massif, c'est jeune, on voit. 55%. Tout, quand on considère que Paris a voté à 80% pour le oui, il y a eu donc un nom de la bourgeoisie de province et de la classe ouvrière très, très, très, très dominant. Donc aujourd'hui, bah non, ils votent Macron, ils votent pour l'Union européenne. Mais c'est parce que vous ne tenez pas compte du renouvellement des générations, de ces jeunes mongoliens. Parce que les. Non, mais attendez. La jeunesse, c'est un ramas de cons. Non, je ne suis pas d'accord. Je veux dire, on a tous. Mais non, mais moi, j'entendais ce langage, je veux dire, quand j'avais 15 ans. C'est bon, je veux dire que nous, jeunes, à l'époque, on ne comprenait rien, etc. C'est le cas, là, franchement. Regardez, on a tous entendu ça. Oui, oui, regardez d'ailleurs le dernier reportage que j'ai fait, vous verrez cette jeunesse dont parle Félix Nechi. C'est visible physionomique. Et n'oubliez pas l'effondrement de l'éducation nationale et l'effondrement du niveau de. Ils savent rien, ils comprennent rien. Ça, c'est vrai. Non, ça, c'est exact. La logique de l'orthographe. C'est exact. Et la réduction du nombre de mots, tu sais, du vocabulaire. Oui, oui, oui. Ça veut dire qu'il y a quand même une baisse voulue par le système, mais qui est rentable électoralement, du niveau d'intelligence et de capacité critique. D'ailleurs, je pense que nous trois ici, on est la dernière génération qui ont fait aussi latin. On a du mal à comprendre. Latin et grec. Attends, on a eu latin et grec. Donc, dans ces conditions. Dans ces conditions-là, dans ce contexte-là, la démocratie est invalide. Si vraiment on est démocrate et qu'on y croit, pour qu'une démocratie fonctionne bien, il faut un niveau d'éducation suffisamment élevé. Donc la démocratie, c'est bien bon, mais comme ça. Le problème, nous, c'est qu'on n'est plus au contact des types de 12, 15, de 12, 17 ans, là, tu sais, qui sont censés aller au bac. Ouais. Et on ne mesure pas à quel point ça n'a plus rien à voir avec le niveau. Cette génération-là, elle a fait. Et non seulement on ne le voit pas, mais on n'a pas trop envie de le voir. Moi, je reste en contact parce que j'ai des amis enseignants. Ils me disent des trucs. Oui, oui. D'accord, c'est incroyable. La même chose, donc autant pas s'en. On a fait lire des devoirs de philo. Dans lesquels ils disent que la catastrophe historique actuelle, c'est l'élection de Trump, et ils récitent directement un éditorial du Washington Post. Et pourquoi Mélenchon veut baisser l'âge de vote à 16 ans. C'est aussi pour ça. Oui, bien sûr. Moyen de domination. C'est-à-dire qu'un des paramètres qu'on a du mal à prendre en compte, nous, parce qu'on est cultivé, soit à cause de notre âge, ou parce qu'on est un être un peu exceptionnel, parce que t'es plus jeune que nous, mais en fait, on représente une archi-minorité par rapport à ce que c'est que la masse des votants. Et notamment, on doit admettre que le jeune aujourd'hui est un con qui a été fabriqué. Enfin, il est crétinisé, le pauvre. Oui, voilà, la crétinisation du jeune a fonctionné, et Macron est la vérification, la ratification de cette crétinisation réussie du jeune. Triomphe de l'émotionnel, tout ça, je l'ai déjà mis dans mes bouquins. Triomphe de l'émotionnel sur le raisonnable, les critères sociétaux ou psycho-psycu, la féminisation, etc. L'autre jour, c'était très éloquent quand on a vu l'émission du samedi soir de la 2, chez Ruquier, ils ont mis côte à côte les anciens intervenants, tu sais. Oui, Zemmour, machin. On avait Zemmour qui tenait la route, faut reconnaître. Polony qui tenait à peu près la route pour une femme. Après, on a vu la blonde de service, c'était que du jugement psychu. Oui. Et la plus conne de toutes, c'était Pulvarde, qui n'était que sur l'antiracisme et l'antifascisme, et qui désignait Dupont-Aignan comme un fasciste. Oui, parce que là, il faut se lever de bonheur. Et tu te dis qu'elle, elle est quand même une professionnelle de l'écriture journalistique. Non, mais avant, c'était l'épouse de Montebourg. Il faut pas l'oublier. Audrey Pulvar. Il aurait pu lui dire, comme il l'a dit à Aziza, mais vous êtes une petite merde. Dupont-Aignan, il avait dit ça, non? Non, en tout cas, le Mélenchon à égalité avec Fillon, franchement, il y a encore un mois et demi, personne ne l'aurait imaginé. Ça, il va peut-être le battre. Et franchement, on peut reconnaître que la campagne de Mélenchon a été remarquable. L'histoire de l'hologramme, c'est grandiose. Ça a frappé l'imagination de tous les gamins, y compris la mienne d'ailleurs. Et ensuite, toute sa façon de faire campagne comme ça sur l'eau, par exemple. hein, il est monté sur un bateau. Voilà, exactement comme le Christ était. Il a été gaulien à Marseille. Il descendait comme ça sous l'île de France et puis il parlait comme le Christ sur le bateau de Saint-Pierre. Hein, voilà. Non, mais c'est ça. Mais attends, il y a des clichés comme ça, invisibles, qu'il faut saisir. C'est pour ça que je me dis que Marine Le Pen face à Mélenchon aurait eu beaucoup de mal dans les débats de l'entre-deux tours parce qu'il est vraiment très fort. Oui, il est très fort. Alors que Macron, je pense qu'on lui écrit tout. Oui. Je pense que Marine a quand même des moyens de se le payer en face à face. Il va peut-être refuser. Sauf s'il évite les face à face parce que comme là, il a nié son existence, t'as vu dans son discours. Non, Macron. Oui, là, il a été pas mauvais parce qu'il a écrit. Lui, à titre personnel, il le fera parce qu'il va pas se défiler non plus. Non, mais il est pas bon. Marine peut être meilleure en débat, elle peut être meilleure que lui. Bon, en tout cas, elle a pas été exceptionnelle. Franchement, mais on pensait qu'elle avait pas besoin d'être exceptionnelle parce qu'elle était dans le sens de l'histoire, tu vois. En fait, on a l'impression que comme les carottes, elle pensait que tout était gagné, comme quoi il faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. On a l'impression que Marine a été un peu victime de ça. Hein. C'est-à-dire que elle a fait une campagne. Alors bon, certes, c'est très fatigant, etc. Mais elle était en... Oui, elle était pas terrible. Enfin, moi, je pense au grand débat là, avec les puisqu'il semble que les sondages soient à peu près justes, elle était réellement à 27 à un moment donné et elle a fait que régresser au fur et à mesure. Absolument. La question, est-ce que c'est pas Mélenchon justement qui lui a piqué Je peux rien faire. Et aussi dans les candidats. On l'a dit, les débats à plusieurs favorisent les petits candidats qui n'ont rien à perdre et qui peuvent y aller, alors que les autres sont dans le consensus et éviter les pièges et les erreurs. Donc ils sont fades, tu vois, c'est le principe de quand tu veux plaire à tout le monde, t'intéresses personne, tu vois ce que je veux dire. Et c'est vrai que cette campagne où on les a tous mis ensemble a beaucoup nui en fait aux gros candidats. Mais le miracle, c'est que ça a eu aussi Macron a été le plus nul de tous, tu vois, dans cette logique-là. Et malgré tout, il est le premier. C'est pour ça qu'il y a un truc qui nous dépasse tous là. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de L'heure la plus sombre. En attendant, nous allons nous quitter en musique sur les notes de Stéphane Blay. Son album Figure Libre est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter Dream Street de Errol Garner. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.